À mon retour du Vietnam, un livre de Philomène Bohoussou, aux éditions Mille Poètes, mille-poètes.com. Enregistré pour audiocité.net, lu par Marie-Pierre Demont. Ce livre est composé de 4 nouvelles. À mon retour du Vietnam, première histoire, le journal intime d'un infirme. Je me nomme Armand Versant. Je suis suisse et je vis dans la ville de Lausanne depuis 6 ans. Je travaille dans le textile comme maquettiste et je suis aussi peintre à mes heures perdues. Enfant abandonné, j'ai été recueillie chez les religieuses dans un orphelinat où je restais jusqu'à mon entrée au lycée. Je suis un handicapé physique et selon un certain docteur Vallet, le médecin qui nous suivait à l'orphelinat, je suis peut-être, et il disait bien peut-être, venu au monde avec mon infirmité des jambes. Je me demande quelquefois si ce n'est pas à cause de cela que mes parents se sont débarrassés de moi, en m'abandonnant lorsque j'avais 11 mois, dans une buvette, et que, malgré les communiqués, ils n'ont plus jamais refait surface. La sœur Suzanne de l'orphelinat est celle que je considère comme ma mère. Elle est restée en contact avec moi malgré la distance qui sépare Lausanne de Neuchâtel où elle vit maintenant. Je lui téléphone et je lui rends visite là-bas quand je peux, réciproquement. Je vis ici, en Lausanne, dans un appartement spacieux, au 6e étage d'un immeuble moderne. La sœur Suzanne se plaint toujours que je sois perchée aussi haut, alors que j'ai du mal à me déplacer, même avec mes béquilles. Mais je lui réponds à chaque fois que l'immeuble est équipé d'ascenseurs ultra modernes, sans risque de panne, même si je n'en suis pas moi-même très rassurée parfois. Je tiens un journal. Je ne sais pas en fait ce qui m'a poussée à en tenir un, mais ce que je peux dire, c'est que depuis 8 ans, je fais une sorte de résumé de ma journée avant de me mettre au lit. J'écris ce qui m'a marqué au cours de la journée écoulée dans un énorme cahier qui me sert de confident vu que je n'ai quasiment pas d'amis en Lausanne. C'est ainsi qu'une nuit, c'était exactement le 26 juillet de l'année 1999, à 22h, j'y écrivais. Ce matin, j'ai eu le coup de cœur de ma vie. Elle est aussi belle qu'une perle. Akoya. Je l'ai vue qui sortait de l'ascenseur tandis que j'y pénétrais. Elle a des cheveux châtains et possède des yeux où le ciel bleu lui-même a élu domicile. Je crois que cette fille-là me plaît comme aucune autre auparavant. Elle a à peine fait attention à moi. C'est normal, je ne suis pas Georges Clooney. Cependant, le regard d'une fraction de seconde qu'elle m'a accordé m'a troublé, même s'il représente celui d'une personne prise de pitié pour son prochain coincé entre des béquilles. Je la comprends parce que j'essaye de me mettre à sa place, comme d'ailleurs j'essaye toujours de me mettre à la place de tous les gens qui me regardent avec pitié et curiosité à la fois. J'accepte leur attitude parce que, à leur place, je suppose que j'aurais eu la même réaction. Bref. Je veux revoir cette fille de l'ascenseur et voir à nouveau ses magnifiques yeux bleus se poser sur moi. C'est curieux que je ne l'ai jamais vue auparavant. Bon, je crois que je vais prendre la route du lit. Je vais ce soir dormir en des Julio Iglesias mélancoliques, tout en espérant croiser à nouveau le chemin de ma splendide perle Akoya de ce matin. Le 23 juillet, à 22h45, j'y écrivais. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Leonardo Muti, le patron de la galerie, et je suis tout heureux parce qu'il veut me donner une chance prochainement pour mon exposition de mes œuvres dans sa prestigieuse galerie. C'est un rêve que je caresse depuis longtemps. Que Dieu m'aide à le réaliser concrètement. En réalité, aujourd'hui, je suis doublement heureux, et pour cause, j'ai revu la fille craquante de l'ascenseur. Ce matin, comme Dieu sait faire les choses, nous nous sommes retrouvés en même moment chez le concierge de l'immeuble. J'ai pris le temps de bien l'observer. Elle est belle, comme aucune autre créature au monde. Il n'est pas permis d'être aussi agréable à regarder, à mon avis. Je connais à présent son prénom. Le vieux concierge l'a appelée Marianne. Elle a la beauté et la délicatesse d'un bébé asiatique. J'aurais bien voulu lui parler, mais trop intimidée par tant de beauté, je n'ai pas pu. C'est ce qui m'arrive très souvent face à l'autre sexe, puisque je crains d'être rejetée. Je me dis, qui voudrait d'un infirme comme moi dans sa vie? Avec Marianne, je suis disposée à prendre le taureau par les cornes, quitte à m'humilier. Et puis, si cela arrive, qu'aurais-je à en perdre? Je me dirais tout simplement que j'aurais essayé. Cette fille, je la veux, et cela, Dieu même le sait. Pour elle, je suis prêt à tout et à laver tous les affronts. Pour cette belle nuit qui s'annonce, je vais me faire couler sur mon lecteur du Demirousos. Ça va me permettre de creuser le nid de ma future vie, dans laquelle je vais avoir l'impression d'être un roi et le seul homme sur terre. Le 9 août, à 23h12, j'y écrivais. Ce matin, il m'est arrivé ce que je redoutais depuis mon installation dans cet immeuble. Les ascenseurs sont tombés en panne. La sœur Suzanne m'avait bien mise en garde. Allons donc pour tout le monde. C'était les escaliers ou rien. J'ai réussi à grimper péniblement jusqu'au 4e, mais n'étant pas habituée, je me suis assis à la dernière marche du 4e, vidée de toute énergie. Les gens me dépassaient sans s'intéresser à mon sort. Pour une fois, je me suis senti plus impuissant que je ne l'étais et j'en ai voulu au destin de m'avoir enlevé l'usage de mes jambes. J'étais donc assis tristement à me lamenter sur mon sort et à me demander comment j'allais m'y prendre pour atteindre mon appartement quand elle est apparue. Elle, c'est bien entendu Marianne. Elle montait les marches en compagnie d'une autre fille aux cheveux clairs et très grande. Elle montait en bavardant et, lorsqu'elle m'a reconnue, elle s'est arrêtée auprès de moi, m'a saluée. Avec un sourire, je dirais, encourageant, elle m'a proposé son aide de façon très spontanée. À cet instant-là, je voyais en elle un ange que notre Seigneur a expressément envoyé pour me secourir. Son amie et elle m'ont soutenue jusqu'à mon palier avant de me rendre mes béquilles qu'elle s'était partagées. Je sais qu'elles m'ont aidée par pitié, mais, comme m'a enseigné la sœur Suzanne, je ne dois pas me mettre en colère parce que l'autre me démontre sa pitié. Elle me disait quand j'étais enfant, « Il ne faut pas te sentir offensé ou encore honteux si quelqu'un éprouve de la pitié pour toi. C'est une attitude normale et naturelle pour toute personne mentalement bien constituée. Les gens à blâmer sont ceux qui sont sans pitié, se moquent tout simplement du mépris pour ceux qui ne sont pas comme eux. Et c'est cela qui est mal. La pitié, elle, ne l'est pas. Au contraire, elle est une qualité des êtres humains qui ont du cœur. » J'ai eu aujourd'hui l'occasion, grâce à cette panne, de parler avec Marianne. La preuve que quelque part, comme le dit le dicton, le malheur est bon. Il peut nous rendre service. Dieu a permis cette panne pour moi. En tout cas, j'en ai profité pour savoir le numéro de l'appartement où elle m'a dit résider avec ses parents. J'ai d'ailleurs insisté pour que son amie et elle entrent chez moi prendre un verre, en guise de remerciement. Mais elles m'ont assuré qu'elles auraient bien voulu mais qu'on les attend chez elle pour le déjeuner. Marianne m'a dit qu'elle viendrait volontiers un autre jour. Ah Dieu, Marianne, elle a une voix à vous faire fondre. J'imagine déjà qu'elle me lit de belles aventures où les héros sont mignons comme George Clooney et les héroïnes douées comme Julia Roberts. Je rêve qu'elle me chante des chansons suaves pour me tirer les bras du sommeil pour ses bras à elle. Je rêve, c'est vrai, mais qu'est-ce que j'y peux? Le rêve est permis. C'est fou comme je l'adore, cette Marianne. Pour ce soir, je vais dormir en des Michael Bolton. Bercée par sa voix en pleurs d'amour, je vais dormir comme un nourrisson et me réveiller demain comme un grand. Le 10 août, à 21h, j'écrivais. Ce matin, je me suis mis dès 6h à mon balcon. J'avais une belle vue sur la rue, sur laquelle débouchent tous les gens qui sortent de notre immeuble. Mon objectif, eh bien, je guettais la sortie de Marianne. J'espérais la voir. J'ai supposé qu'elle partait chaque matin tôt au travail ou peut-être à des cours à la fac. J'ai patienté un moment, puis je l'ai repérée parmi les gens qui débouchaient sur la rue. Elle cheminait et elle parlait avec une dame d'un certain âge, sa mère sans nul doute, vu leur air de famille. Je les ai suivis des yeux jusqu'à ce qu'elles traversent la rue et s'engouffre, à mon grand désarroi, dans un taxi. Moi qui aurais voulu passer ma vie à la contempler ainsi. Rien qu'en voyant le sourire de Marianne, j'ai envie de vivre 150 ans pour savourer ce bonheur. Elle est le genre de femme qu'un homme juge digne de présenter à sa famille, le genre avec laquelle vous rêvez d'unir votre vie pour votre existence entière. C'est le genre de femme avec laquelle vous rêvez d'avoir des enfants que vous aimerez malgré ce qu'ils seront parce que vous les aviez vraiment désirés. C'est le genre de femme qui, quand elle vous sourit, vous êtes capable de lui pardonner n'importe quoi. Comment faire pour lui dire ces belles paroles? Comment faire pour lui prouver toute l'affection que j'ai pour elle? De quelle manière vais-je arriver à la convaincre de m'aimer telle que je suis? Cette nuit, je vais dormir en des fleurs en panier subtiles, et si demain je rencontre cette fille, je saurai sourire et atteindre son cœur. Le 15 août, à 1h38, j'écrivais. Ce samedi, j'ai passé mon après-midi en compagnie de Marianne. Nous sommes allés faire du shopping. Je le lui ai demandé en fait hier, et elle a accepté. En effet, j'ai attendu hier à midi sur son palier, et à midi, n'ayant pas eu le courage d'aller sonner chez elle, j'ai préféré l'attendre dans le couloir. Quand, en rentrant, elle m'a vue, elle m'a fait un sourire, en sachant bien que j'étais là pour elle. Elle a accepté ma proposition, surtout qu'aujourd'hui c'est un samedi et qu'elle est d'autant libre que moi. Ainsi, aujourd'hui vers 15h, elle est venue me retrouver chez moi et, sans trop nous attarder, nous sommes partis faire la ronde des supermarchés. Je suis contente d'avoir rencontré une fille comme elle qui n'hésite pas à marcher à mes côtés à la vue de tout le monde. Elle est très belle, plus belle que le mot. Elle est, je le sais, une partie de moi. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur elle. Par exemple, qu'elle est fille unique, qu'elle va célébrer ses 23 ans en novembre, qu'elle travaille en plein temps depuis 2 ans dans une librairie et qu'elle habite encore chez ses parents parce que son père croit, comme faire, que ça porte malheur que de laisser sa fille partir de la maison encore célibataire. Pour Monsieur Dufour, le père de Marianne, elle risque de ne pas trouver la perle des maris en allant habiter seule. Donc elle ne s'en ira de chez lui qu'au bras de son époux. En entendant ces propos, j'ai souri beau moqueur. Je me promets d'être ce mari-là en perle-là. Cet après-midi, lorsqu'on faisait le tour du commerce, je me suis sentie comme entier, chose qui ne m'était pas arrivée depuis bien longtemps. Dans mon esprit, les jambes de ma compagne prenaient la place des miennes et pouvaient me porter partout où je le désirais. Avant, c'était en compagnie de mon ami Rodolphe de l'orphelinat que je ressentais ça. Ce matin, j'ai Mère Suzanne qui m'a téléphoné. Elle compte venir en Lausanne très bientôt, et je l'attendrai en comptant les jours. Je vais me mettre au lit, à présent, avec en son des Céline Dion, avec lesquelles il me suffirait d'aimer pour faire de ce monde de rêve une éternité. Le 9 novembre, à 23h, j'y écrivais. La sœur Suzanne est venue me voir. Marianne lui a apporté au dîner un rôti qu'elle a spécialement concocté pour elle. Ma mère dit qu'elle a l'âme généreuse, elle la trouve bien. Ma mère dort actuellement dans ma chambre d'amis que j'ai fait décorer dès mon aménagement ici, à son goût, et à chacune de ses visites, elle y passe la nuit avant de repartir. Elle ne séjourne pas assez longtemps parce que, comme toutes les religieuses, elle est extrêmement occupée et ne peut pas se permettre de s'absenter longtemps de sa communauté. Ce matin, je lui demande de me conseiller un cadeau que j'ai l'intention d'offrir à Marianne pour son anniversaire dans quelques jours. Elle m'a conseillé une tenue confectionnée dans un tissu au motif conçu par moi. J'ai trouvé ça juste. Comment n'y ai-je pas pensé avant, alors que j'ai pour l'habitude d'opérer souvent ce choix pour les présents que j'offre? Je n'y avais pas pensé cette fois. Dès demain, je me rendrai à la boutique de Karine Rochelle, qui travaille beaucoup avec les produits de notre compagnie là-bas, et je vais acheter une tenue confectionnée dans du tissu de mon imagination. Marianne m'a offert, pour célébrer mon exposition à la Galerie Muti, une garniture de fenêtres de pièces d'une rare beauté. Elle s'occupe bien de moi. Quand j'ai raconté à ma mère toute l'attention que cette fille a pour moi depuis que nous nous fréquentons, elle m'a dit, avec son calme légendaire, « Tout ce qui t'arrive en ce moment, mon enfant, est très beau. C'est l'œuvre de notre Seigneur. Je crois surtout que je l'ai toujours souhaité, pour ton harmonie existentielle. Tu le mérites, n'est-ce pas? Toi, Armand, tu es un don du ciel lui-même. Lorsque tu étais enfant, tu te souviens que les autres religieuses et moi aimons t'appeler notre petit Christ. Tu es un garçon gentil et tu as un caractère facile. Cela compte beaucoup dans toutes sortes de relations, comme par exemple celle que tu vas avec cette fille. Tu vois, j'ai toujours su que quelque part une femme bénie de notre Seigneur a mis au monde une fille merveilleuse rien que pour toi, mon enfant. Je suis satisfaite que tu l'aies rencontrée enfin. En tout cas, il était temps. Sache bien que je suis satisfaite de l'effet positif qu'elle a sur toi, parce que je sais que tu ne t'en rends pas compte, mais tu es plus épanouie en ce moment. Marianne, c'est comme ça qu'elle s'appelle, non? Elle est née pour toi. Tiens-la bien. Ne la laisse jamais s'en aller de la vie que vous allez construire. Et surtout, pas trop de surveillance, pas trop de crise de jalousie, d'accord? Plutôt beaucoup de confiance et beaucoup de générosité. Je souhaite qu'elle accepte un jour de devenir ton épouse et que vous ayez de beaux enfants. Tu mérites d'être heureux. Tu sais quoi? On dit que personne n'est parfait, mais toi tu l'es. Tu es un être parfait. J'ai été fière d'entendre Sœur Suzanne faire mes éloges. Et je suis certain que même Georges Clounet n'a peut-être jamais eu droit de ces belles paroles. Ah, Georges Clounet, je le dénigre, mais il reste mon acteur préféré. Il est si mignon et si fougueux, j'aurais bien voulu être comme lui. Je pense que pour ce soir, je vais changer un peu de tempo musical et mettre au lit en écoutant des cantiques hautement spirituels. Cela va me rapprocher de notre Seigneur, qui je sais est à l'origine de tout mon bonheur. Le 1er janvier, à 5h50, j'écrivais. Hier, jour de la Saint-Sylvestre, je n'ai pas pu écrire ma journée dans mon journal intime alors que je le fais maintenant. Je commencerai par me souhaiter à moi-même une bonne et heureuse année 2000. Que ce nouveau millénaire m'apporte tout ce que mon cœur désire. Que la sœur Suzanne puisse vivre encore, pourquoi pas tout ce siècle malgré ses 72 ans. Quant à Marianne, je souhaite que notre mariage soit un bonheur, parce que je compte la demander en mariage. Seigneur, Marianne, je suis un être heureux. Pour la première fois, je me sens un bien-aimé de Dieu. La fille que j'aime dort là, dans mon lit à poings fermés, une délicate main sous sa joue, tel un nourrisson, celui que nous avons peut-être conçu cette nuit. Elle respire tout l'amour et la passion que je lui inspire. Moi aussi j'inspire du désir à une femme, et cela, même si je ne suis pas un sexe symbole comme leur méga star de George Clooney. Hier, je suis allée au 9e étage chercher Marianne à l'appartement de ses parents, qui me connaissaient déjà. Comme elle n'était pas prête, j'ai bavardé un peu avec son père, Monsieur Dufour. Il m'a dit entre autres que je suis un garçon bien, qui est pour quelqu'un comme moi un grand compliment en tout cas. Quand ma bien-aimée est apparue, ravissante dans sa robe, j'ai eu le souffle coupé. Elle est parfaite, comme de la porcelaine de Chine, et tendre comme un bébé asiatique. Nous nous sommes rendus de là chez des amis à elle qui organisaient un dîner pour le réveillon. Là-bas, elle m'a présenté à tous comme étant pour elle un ami très cher. Elle n'a pas honte de me présenter et de me tenir presque tout le temps la main devant eux. Plus tard, nous sommes allés dans un bar pour danser. C'était la première fois que pour moi d'entrer dans ce lieu et il a fallu qu'elle insiste et m'encourage beaucoup pour que je me décide à les suivre. Je n'y ai pas regretté d'y être allée parce que je me suis bien amusée. Nous avons bu, les autres ont dansé, moi j'ai écouté de la bonne musique et j'ai trouvé un plaisir fou à la regarder danser, danser, même des slows langoureux dans les bras de ses amis. Je n'en ai pas été jaloux, bien au contraire. J'étais très fière de moi parce que je savais que malgré son corps à corps avec ses hommes, il n'était pas pour eux. Elle dansait serrée dans leurs bras, mais son cœur battait pour moi, qui, incapable de danser, me contentait de les regarder en savourant la musique. Et Dieu sait combien je suis fan de musique. Je n'ai pas de complexe vis-à-vis des autres hommes qui la courtoient. Je me sens plutôt privilégiée, parce que tout simplement je savais qu'avec moi, c'est au rythme de nos battements de cœur amoureux qu'elle et moi allons danser. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Dieu, je suis un homme comblé. J'ai vécu enfin ce que tous les êtres humains ont le plein droit de vivre sur terre, et c'est le droit d'être heureux. Je pense qu'il existe trois bonheurs en toute personne, de la même manière qu'il existe trois personnes en Dieu, que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois bonheurs, selon moi, sont l'argent, le mariage et la progéniture. Les chanceux ont droit aux trois. Il me faut me marier, avoir des enfants. J'espère que Jésus va m'aider, car je ne peux rien sans lui. Et ça, je me dois de me le rappeler chaque jour, n'est-ce pas ? Oh, voilà, Marianne remue dans le lit. Dans son sommeil, je pense, parce qu'elle a les yeux fermés. Elle est en train de me chercher du bras à la place où j'ai dormi, alors que je me suis assis à mon petit bureau qui est aménagé dans ma chambre. Je vais aller me remettre au lit. Auprès de cette femme, je me sens plus beau et plus sexy que leur mégastar de George Clooney. C'est con, mais c'est ainsi. Elle s'est rendormie. Je vais nous mettre de la musique pour passer la grasse matinée à nous réchauffer. Et c'est de la musique trépignante qu'il faut pour faire bouger la chambre. Du Craig David, par exemple. Parce que c'est actuellement l'idole de Marianne. Je vais me remettre au lit pour passer avec ma girlfriend. C'est cela qui s'appelle le paradis sur terre et rien d'autre. Je le sais à présent. À mon retour du Vietnam, deuxième histoire. La chanson de Laurie. J'ai lu dans votre magazine la semaine dernière l'histoire de Rita Larache et de Denise Beden, son meilleur ami. Et du coup, j'ai eu envie moi aussi de faire connaître au monde entier mon histoire qui ressemble un peu à la leur. Mon nom, c'est Claire Hortensia de Bourbon. Je vis dans la ville de Limoges, où je travaille comme informaticienne. Ma ville natale, c'est Périgneux. Et c'est là où j'ai grandi d'ailleurs. Ma famille y vit encore. Ce que j'aime, la danse et la musique. C'est pour cette raison que déjà enfant, j'avais commencé à apprendre des cours parallèles de danse et de chant. Aujourd'hui, je suis fière, parce que j'ai chez moi, à ma disposition, une bibliothèque musicale qui m'enchante. Du blues, du jazz, du slow, du reggae. J'écoute toutes sortes de musiques. Mais surtout, j'adore la chanson française ancienne comme récente, je dirais. Déjà installée seule à Limoges, je vivais dans une jolie maison reposante avec un jardin magnifique et puis j'ai une garde-robe qui me ravissait. J'avais tout, selon ceux qui me connaissaient, pour être heureuse. Mais non, je ne l'étais pas. Pour la stupide raison, comme diraient certains, que Vincent Auriol, mon meilleur ami, ne voulait pas de moi. Il ne voulait pas que nos rapports aillent plus loin que l'amitié qui nous liait, ce qui n'était pas mon cas. Moi, je l'aimais, et il était le seul homme avec lequel je désirais construire ma vie. Rien d'autre au monde ne me comblait. Comment j'ai connu Vincent ? Je me souviens que depuis que mes yeux ont vu le monde, il a toujours été là. Son père, ami d'enfance de mon père, avait grandi ensemble et avait même fait l'armée ensemble. Tous originaires de Périgneux, ils y travaillaient et habitaient à deux pas l'un de l'autre. Et c'est ainsi que nous, leurs enfants, avions été élevés un peu comme frères et sœurs. Vincent est un peu pour mes parents le fils qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir et moi la fille que les Auriol auraient bien voulu avoir. Ainsi, enfants, Vincent et moi avions, je dirais, passé plus de temps ensemble qu'avec quiconque. En classe de seconde, le père de Vincent s'acheta une ferme du côté de Marge et alla s'y installer. Vincent, pour des raisons scolaires, resta chez nous puisque la nouvelle demeure de ses parents était loin de la ville et qu'il lui fallait résider en ville loin de la ferme. Il était mieux, avait décidé mon père et le sien qu'il reste à Périgueux, chez nous, pour la période scolaire, et les rejoindre les vacances et les congés. C'est ainsi que Vincent est venu vivre chez nous. J'avais 12 ans et lui, 13 et demi, et j'étais heureuse de l'avoir tout le temps auprès de moi. Pour moi, il était un frère, mais surtout mon héros. Il me défendait des autres, et je faisais quelquefois exprès pour chercher la bagarre, en sachant qu'il me défendrait, et il le faisait toujours. Durant les grandes vacances, je partais avec lui en Camargue, et là-bas, j'avais pour moi ce grand frère particulier qui me dorloquetait même quand j'étais invivable avec mon caractère capricieux. On rentrait, les vacances terminées, à Périgneux. J'étais une mignonne adolescente, maintenant, et je commençais à me faire draguer à l'école, mais personne ne m'intéressait. J'avais Vincent, qui était maintenant un super jeune homme au sourire dévastateur et au corps parfait. Il n'était pas très bavard, mais très sportif. On allait à l'école ensemble et on revenait ensemble, Nous étions tout le temps ensemble, je dirais. Tout était comme s'il se devait. Et puis, un jour, je me rappelle, j'avais 15 ans et lui presque 17. Tout bascula en moi. Je l'avais vu embrasser Fernande Laroche, une fille de sa classe avec laquelle il étudiait depuis le début de la nouvelle rentrée. Je l'ai surpris, en train de s'embrasser, et je m'étais enfui avant qu'il me voie. Mon cœur avait pris un coup violent en les voyant. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai découvert à la fois la jalousie, l'amour et la haine. L'amour pour lui et la haine pour cette fille. J'étais surtout folle de jalousie. Les jours qui ont suivi, j'ai été froide avec lui. J'essayais de l'éviter, pour ne pas lui crier la fureur, ce que j'avais vu, et surtout parce que je n'arrêtais pas de penser à ce que cette fille avait pu ressentir dans les bras de mon frère et ami. J'avais de plus en plus envie de lui, de ses lèvres, et j'étais en train de devenir folle d'amour pour Vincent. Lui, il ne soupçonnait rien d'anormal dans mon comportement avec lui. Et un jour, j'ai pris la décision que ce garçon était pour moi. Il n'était pas mon frère, mais un jeune homme beau et fort, avec lequel je voulais connaître l'amour. J'ai commencé à me rapprocher exagérément, je pense, de lui. Là, je ne sais pas s'il avait suspecté quelque chose d'anormal dans ma manière de le regarder, de lui parler ou de le toucher, mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui a commencé à ne plus être affectif avec moi. Cela me rongeait. Je me disais qu'il était sans doute tombé amoureuse de Fernande. Grave, il s'absentait de plus en plus de la maison. L'amour que j'avais pour lui me rongeait si fort en silence que mes rendements à l'école baissaient. Mes parents s'inquiétaient, mais ne savaient pas que j'étais amoureuse de leur protégé. Je crois que c'est seulement ma prof de danse qui a su ce qui se passait en moi. Un jour, elle m'a dit de l'attendre, après son cours, pour qu'on discute un peu. Elle m'a demandé ce qui me préoccupait, car j'étais meilleure danseuse l'année précédente. Je lui ai dit en haussant les épaules, « Je ne sais pas. En classe aussi, c'est pareil. J'étudie, mais ce n'est pas fameux. » Toute gaule déclare, « Le garçon, le blond qui marche tout le temps avec toi. Je sais que ce n'est pas ton frère, car j'ai été son prof de musique en première l'an dernier, et il n'a pas le même nom de famille que toi. Vincent est le protégé de ta famille, on m'en a informé. Écoute, Hortensia, il faut te remettre au travail. Étudie tes leçons au lieu de penser à Vincent Auriol. » Stupéfaite que cette femme lise en moi, comme dans un livre ouvert, je m'emporte et lui dis qu'elle se trompe et que Vincent vit chez mes parents et qu'on est comme frère et sœur. Elle sourit, remue la tête et me dit « À d'autres, oui, tu peux faire avaler ça, pas à moi. » Samedi passé, il était là et je t'ai vu devenir toute rouge lorsqu'il t'aidait à ranger tes affaires dans ton sac. Il y a 4 jours aussi, je t'ai vu incapable de suivre les pas de danse quand il était dehors devant la salle de TP en train de parler avec une fille qu'il tenait par la main. Ça crève les yeux que tu as mouraché de ton soi-disant frère. Et ça, c'est pas... » Je me suis enfuie, honteuse, avant d'entendre la fin de sa phrase. Quelques jours après, invité à l'anniversaire du fils de la tante de ma mère, Vincent et moi sommes partis chez elle. Nous nous sommes bien amusés. Il y avait beaucoup de nos camarades d'école là-bas, et nous avons dansé. Je n'ai pas pu danser dans les bras de Vincent, car il était plutôt préoccupé à flirter avec Rizzi, sa nouvelle conquête. Fernande, maintenant, était du passé. Il était le nouveau don Juan du lycée, le bourreau des cœurs. J'étais au moins satisfaite que je ne sois pas la seule à qui il brisait le cœur. Ce soir-là, son ami Henri me disait en le voyant collé serré avec Rizzi qu'il était en train de se tailler une bonne réputation de tombeur de nana. Henri l'enviait beaucoup. Lui qui n'était pas du tout mignon et ne plaisait pas du tout aux filles pour le moment. Cependant, il espérait, en tout, qu'avec l'âge, ça irait pour lui. Quant à Vincent, Henri espérait qu'il puisse changer son comportement de coureur de jupons. Finalement, nous ne sommes revenus à la maison que très tard. Mes parents dormaient, mais, ayant les clés, nous sommes entrés dans la maison sans trop faire de bruit. Où, le cœur battant très fort, j'ai suivi mon compagnon dans sa chambre. Je me suis dépêchée d'enlever mes chaussures, car mes pieds enfermés dans mes escarpins hauts me faisaient terriblement souffrir. Il s'est déshabillé, ne laissant que son caleçon américain, et sans perdre de temps, il est rentré sous les draps, en soupirant qu'il se sentait trop fatigué et avait trop sommeil pour perdre du temps à prendre une douche. J'ai tiré à mon tour sur les draps dans l'intention de me glisser dessous à côté de lui. Et c'est là qu'a commencé ma déception. Il est sorti précipitamment du lit, comme brûlé par je ne sais quoi, et m'a demandé sur un ton que je ne lui connaissais pas ce que je voulais faire. Je lui ai répondu que je voulais dormir avec lui. Alors il m'a dit d'un ton sans réplique. « Non, plus de ça. Rejoins s'il te plaît ta chambre. Ton grand lit à toi toute seule t'attend. » Déterminée, je ne l'ai pas écoutée, et je me suis mise totalement dans le lit en souriant, provocante, comme le font les femmes dans les films pour séduire les hommes qui veulent leur résister. Je voulais lui faire l'effet Madonna, sans doute. Je n'étais en réalité qu'une rêveuse et innocente idiote. « Je ne veux pas de toi dans ce lit, Hortensia !» poursuivait-il en m'indiquant la porte. « Va-t'en, s'il te plaît !» Alors, surprise et surtout furieuse, je sors du lit et me mets debout et je lui dis « Depuis que nous sommes gosses, ça fait des milliers de fois que toi et moi dormons dans le même lit. Dans ce lit, surtout. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ça fait un bon moment que tu te comportes ainsi avec moi. Qu'as-tu maintenant contre le fait que je partage ton lit, hein ?»« Hortensia, écoute » parla-t-il d'une voix qu'il voulait claire. « Nous ne sommes plus des enfants. Tu dois comprendre que c'est bien fini le temps où nous faisions certaines choses avec innocence, comme par exemple dormir ensemble. » Je ne peux plus dormir avec toi comme ça, comme si on était des enfants ou des frères. Je ne peux plus, comprends ça, c'est ainsi. Eh bien non, je ne comprenais pas. Ou disons ce jour-là, je l'ai compris autrement. Moi, je comprenais qu'il ne voulait plus dormir avec moi à cause de ses petites amies. Et moi, je ne savais pas en quoi dormir dans le même lit que moi, comme il nous arrivait depuis toujours de le faire, pouvait lui causer des ennuis avec ses conquêtes. Je ne comprenais pas que ces filles prennent plus de place dans sa vie que moi, alors je me suis mise à crier et en oublier mes parents qui dormaient dans la chambre d'à côté. « Non, je ne comprends pas, qu'as-tu? Tu m'interdis beaucoup de liberté que nous avons de tout temps eu tous les deux. Tu ne me touches plus, tu ne me chatouilles plus, comme tu aimais le faire, malgré que tu sais que je déteste ça. Tu me serres pratiquement plus dans tes bras, plus de bises, plus de câlins. Vincent, qu'est-ce qui se passe? Tu es en colère contre moi, dis? Ou bien ce sont ces filles avec lesquelles tu couches qui te montent à la tête contre moi? Ne dis pas de sottises. » lança-t-il en faisant un geste là de la main. Je parle alors et lui dis que j'ai envie de dormir avec lui pour qu'il me tienne au chaud dans ses bras. « Tu ne sais décidément pas ce que tu dis » m'a-t-il répondu d'une voix désespérée sans me regarder. « Nous ne sommes plus des enfants. Ce temps-là est passé. C'est fini le temps des jeux innocents entre filles et garçons. Réfléchis un peu, bon sang. Je ne crois pas avoir besoin de te faire un dessin, n'est-ce pas, sœurette? Tu es assez intelligente pour comprendre ces choses-là. Tu es une femme à présent. Comment veux-tu que je dorme comme ça avec toi? Fais un peu tourner tes méninges, Hortensia, je t'en prie. Je te répète que je n'ai pas besoin de te faire un dessin pour te faire prendre conscience de ce qui peut se passer en... » Sans le laisser finir, je lui coupai la parole en lui demandant exprès, comme si je ne le savais pas, qu'est-ce qui pouvait se passer. Il me jette un regard plus sombre que ses yeux et alla se caler devant sa fenêtre fermée en me tournant le dos. Un silence très pesant s'installa. Je le regardais, et la perfection de son corps me faisait pâlir de désir. Avec lui, je commençais à découvrir le désir du corps de l'autre sexe. J'avais besoin de le toucher, de caresser son corps à cet instant, pour éteindre partiellement le feu brûlant que la vue de son corps avait allumé en moi. J'ai été incapable de me retenir. Il me fallait à tout prix me libérer de mon grand flot de désir et d'amour pour Vincent, ou alors je mourrais. Je me suis approchée de lui, et dans son dos, j'ai enlacé ses reins. Il n'a fait aucun geste. Je lui ai chuchoté dans le cou les larmes dans la voix. « Vincent, pardonne-moi, mais je crois que je suis amoureuse de toi. Arrête » a-t-il ordonné en me repoussant violemment. Il est allé se mettre à l'autre bout de la chambre. Je tremblais tout mon corps de honte. Il y a eu un autre silence, cette fois chargé de tension. Un silence durant lequel je me suis posée au minimum, ce qui n'est pas pour exagérer, un millier de questions. La seule que j'avais eu le courage de faire sortir de ma gorge, c'est « Vincent, s'il te plaît, tu peux au moins m'expliquer pour quelle raison tu es tant en colère ?» Il ne m'a pas répondu. Je me suis approchée de lui et face à lui, les yeux dans les yeux, je lui ai demandé « Quel mal y a-t-il à ce que je t'aime ? Tu ne m'aimes pas aussi, c'est ça ?» « Tu ne ressens rien pour moi, c'est ça? Tu ne m'aimes pas ?» Je le regardais, suspendu à ses lèvres afin qu'il me donne une réponse, et il me dit sans douceur « Je t'aime bien, arrête !» Il se met alors à tourner dans la chambre comme un lion en cage, comme s'il cherchait à remettre ses idées en place pour éviter de commettre une gaffe. Je lui déclarai. « Vincent, je ne veux pas que tu m'aimes bien. Je veux que tu m'aimes tout court. Tu es le seul garçon qui me plaît. Je veux que tu m'aimes comme tu peux aimer Fernande, Julie ou Adélaïde ou alors Rizzi. Oui, comme toutes les filles avec lesquelles tu sors. » Du coup, il m'a fixé droit dans les yeux, son regard si attrayant, qui me fascine toujours tant, et m'a rétorqué. Je ne suis pas en mesure de te faire ce que tu veux parce que je te considère non pas comme une femme, mais comme ma petite sœur, ma propre sœur. Autant te dire la vérité dès maintenant, je ne pourrai jamais coucher avec toi. Rien que d'y penser, j'ai honte. Je me sens dégoûtée rien qu'en imaginant en train de t'embrasser. Je te considère même plus que ma sœur, Hortensia. Et je ne vois pas, dans ce cas-là, comment veux-tu que je te... Enfin, que je te fasse... Enfin, je sais pas, mais je trouve impensable que tu aies du désir pour moi. Ou bien tu ne m'as jamais vue comme ton frère ? Si. Mais plus maintenant, lui répondis-je, embarrassée et très mal à l'aise, qu'il veuille me traiter d'immoral à vouloir sortir avec lui. Je ne voulais pas tomber amoureuse de toi, mais c'est arrivé malgré tout, qu'est-ce que j'y peux ? Je ne te vois plus depuis un moment comme mon frère, mais comme un homme que j'ai tout le temps envie de toi. J'ignore ce qui a déclenché cet élan en moi, mais c'est ce que je ressens quand je te vois. Je n'ai pas le sentiment de nourrir des pensées immorales, puisqu'en réalité tu n'es pas mon frère. Ma raison accepte que tu sois mon frère, mais mon corps non. Vincent, je t'en prie, essaye de comprendre. Essaye de t'enlever de ta tête que je suis ta sœur, et tu verras que toi aussi tu vas... N'y pense même pas, m'intima-t-il en se tenant près de son lit. Tu es en train de jouer le rôle de Ève dans le jardin d'Éden. C'est le Satan qui est en train de te transformer. Sinon, je comprends pas ce que tu cherches. Qu'on couche ensemble dans le dos de nos deux familles? Tu es devenue folle, on dirait Hortensia. Et puis, assez plaisanté, sors de ma chambre, tu m'entends? Je ne sais pas ce qui m'avait pris, mais au lieu d'obéir, j'ai couru vers lui et j'ai tenté de l'embrasser. Il m'a repoussé si violemment que je me suis écroulée sur le lit de dos. Je me retournai pour enfoncer de honte ma face dans son oreiller. Je me suis mise à pleurer en silence, et je crois que cela a duré une éternité. Je l'entendais tourner en rond dans la chambre autour de moi. Et puis soudain, il s'est assis près de moi, et j'espérais qu'il avait changé d'avis, à une lueur d'espoir naissait en moi. J'ai relevé ma tête pour le regarder, et immédiatement il a détourné son regard. Il se passa la main dans ses cheveux blonds, signe de nervosité chez lui. Je descendus du lit et je m'assis à même le sol, les deux pieds repliés et la tête enfoncée presque entre mes genoux. Pris, je ne sais pas, par la pitié ou autre chose, Vincent s'approcha et, à ma grande surprise, il se mit d'une main que je sentais tremblante à me caresser les cheveux. J'aime tellement quand il me caresse ainsi la tête. Il m'avait tant comblé de câlins depuis que nous étions enfants que le devoir le refaire après des mois fit jaillir un espoir en moi. Mais je me rendis compte très vite que je me trompais à nouveau lorsqu'il prit à nouveau la parole en cessant brusquement de me toucher. « Hortensia, écoute-moi. Tu vas avoir bientôt 16 ans, et à cet âge, on ne sait ni ce qu'on fait, ni ce qu'on dit, ni ce qu'on veut. Et ce n'est pas de notre faute. Ce sont les hormones, selon ce que disent les scientifiques, n'est-ce pas ? Mais ce que je veux que tu saches, c'est que tu es jeune, tu as du mal à comprendre certaines choses. Tu vas plus tard rencontrer des garçons super. Tu m'idéalises un peu trop à mon goût, parce qu'on est tout le temps ensemble. Tu es excessivement attaché à moi. Mais tu vas voir que plus tard, quand tu seras loin de moi, tu vas m'oublier. Tu vas t'attacher à d'autres hommes, qui, eux, ont le droit de t'aimer. Maintenant, fais-moi une faveur. Regagne ta chambre. Tu es très fatigué, il faut te reposer. Demain, j'oublierai ce que tu m'as dit. Tu ne l'as jamais dit, et moi je n'ai rien entendu. Nous sommes des amis, nous sommes de la même famille. Cela ne doit jamais changer, d'accord ? Arrête de pleurer. Je ne veux pas que tes parents t'entendent. Petite sœur, tu sais, je te comprends parfaitement. Tes réactions sont normales, tu es une adolescente. Dans quelques années, tu trouveras ridicule que tu aies ne serait-ce qu'une seule fois l'envie de partager mon lit, je te le jure. C'était faux, parce que 9 ans après, j'étais toujours éprise de lui. J'avais mûri, c'est vrai, mais mes sentiments pour Vincent Auriol n'avaient pas changé. Rien n'avait changé dans mon cœur. J'étais toujours autant amoureuse de ce garçon. Je l'aimais comme à 16 ans. Le temps n'avait pas eu d'effet depuis que j'avais franchi cette nuit-là le seuil de sa chambre en larmes pour rejoindre finalement la mienne. Vincent avait continué de jouer au Don Juan, et j'en ai souffert, mais pas une seule fois je n'avais manifesté directement ma jalousie. Des fois je lançais des piques, mais il avait toujours fait semblant de ne pas saisir mes allusions. Après son bac, Vincent nous quitta. Il avait fait son service militaire, mais plus tard il est entré dans la gendarmerie et a été affecté dans une petite localité vers Lyon, où un an après il s'était mis en ménage avec Ariane, la fille de la région. Ils avaient même eu une fille, mais par malchance, ils perdirent leur bébé à 2 mois. Quand Vincent m'appela pour me le dire, je me rendis le week-end qui suivit chez lui pour les soutenir moralement. Bien vrai que je sois jalouse en secret de Marianne, qui partageait la vie du seul homme qui me faisait battre mon cœur, je me comportais toujours avec Ariane en amie. Ariane, en fait, je ne la détestais pas, et je ne lui souhaiterais jamais un malheur. Ce qu'il y avait, c'était que je l'enviais, c'était surtout cela. J'enviais la chance qu'elle avait de vivre, de parler, de rire, et surtout de dormir avec Vincent. Je donnerais mon sang pour être à sa place, je n'y pouvais rien. C'est elle qui l'aimait, ce n'était pas de ma faute. De mon côté, j'ai eu quelques flirts, sans grande conséquence, parce qu'en vérité, mon cœur n'y était pas. Pour combler ma solitude, j'écoutais de la bonne musique, et c'est ainsi qu'en 2002, je m'étais procuré le disque de Laurie. J'aimais particulièrement l'écouter. Ses chansons me faisaient méditer sur ma vie, ma solitude. Une nuit, je reçus un coup de fil de Vincent qui m'apprenait qu'il avait pris la décision de venir passer quelques jours chez moi pendant ses congés. Depuis le temps que je lui proposais de venir me visiter à Limoges, j'étais contente et malheureuse à la fois, rien qu'en imaginant qu'il serait chez moi à jouer le frère, alors que j'aurais voulu autre chose. Vincent arriva chez moi un vendredi soir cet été-là. Il disait être là pour au moins 10 jours de vacances. C'était un grand moment de retrouvailles, vu que cela faisait 7 mois que nous nous étions séparés lors de ma visite chez lui à la perte de son enfant. Il arriva à Limoges plus beau que jamais. Il avait perdu, c'est vrai, quelques kilos superflus, mais cela le rendait plus mignon. Je lui demandai des nouvelles d'Ariane, et il me parla sans entrer dans les détails. Cependant, je sais que les choses n'allaient pas bien entre eux, et ce depuis la perte de leur bébé. Ariane ne s'était pas remise de ce malheur. J'avais eu l'impression même qu'ils vivaient séparés. Ils me le cachaient, mais je le voyais bien à travers certaines paroles échappées par mes gardes. C'était vraiment dommage que la perte de leur enfant vienne briser leur couple. Cela me rappela un film français que j'ai vu à la télé, La Petite Absente. Le lendemain de son arrivée, il se permit une sieste bien méritée après nos balades à travers Limoges. Resté seul dans le salon, je me suis calée dans mon confortable sofa, en cuir, pour visionner la vidéocassette de Laurie, avec une assiette pleine de cookies à ma portée pour m'en régaler. Je crois que je me suis assoupie un moment, puisque je n'ai pas entendu Vincent me rejoindre. « Tu es réveillé ?» lui avais-je demandé en écrasant un bâillement, alors qu'il passait à côté de moi uniquement vêtu d'un pantalon jogging. « Oui, je vais me servir du yaourt et prendre un peu de tes cookies, » répondit-il. Non, laisse-moi faire, assieds-toi, je vais aller servir un grand bol de yaourt. Pour ne pas t'ennuyer, regarde un peu cette jolie chanteuse. Ah, c'est la petite Laurie, elle chante très bien, commenta-t-il en s'asseyant. Elle a de l'avenir, cette fille. Je suis parfaitement d'accord avec toi, commentai-je en me laissant pour aller vers la cuisine. Lorsque je revins, je le trouvai le nez dans la pochette du DVD en grande lecture des chansons écrites. Je lui tends le pot de yaourt qu'il prend en déposant ce qu'il tenait sur le fauteuil. Je m'assis sur le sofa. Tandis que Laurie chante majestueusement, je lui demandais s'il connaissait les paroles de la chanson, et il me dit avec humour que pas aussi parfaitement que moi elle supposait. Alors je lui propose qu'on chante ensemble avec la chanteuse. Il me répond en riant. « Oh non, j'ai 28 ans, j'ai passé cet âge-là, tu ne trouves pas ?» Vincent, je le savais, détestait chanter. Je me suis mise à chanter, et il s'est mis à écouter et à me regarder chanter en chœur avec Laurie. La chanson terminée, nous avons ri et il me prit la main. C'était ce qu'il ne fallait pas pour emballer mon cœur. Je suivis ses doigts, puis nos yeux se sont accrochés. Devais-je saisir cette occasion d'intimité pour lui ouvrir à nouveau mon cœur? Était la question que je retournais et retournais 10 000 fois dans ma tête en une fraction de seconde. et je m'étais dit que oui. Alors, je me levai la main vers son visage, il la repoussa gentiment et fixa son regard droit sur la télé où la chanson se répétait encore. Je lui dis alors que si à 15 ans, j'aurais écrit une chanson d'amour, je crois que la mienne aurait été pareille à cette chanson de Sandy. Il m'a souri et m'a regardé avant de dire « Ah bon, pourquoi ? Parce que tu crois que cette chanson est bien pour uniquement les ados ?»« Non, ce n'est pas cela, » déclarai-je. « Mais si à cette époque-là, c'est ce que je ressentais pour toi, c'est d'ailleurs toujours ce que je ressens pour toi. Je ne te le cache pas. » Dès qu'il entendit cela, il se mit debout précipitamment et me regarda sévèrement. Ses yeux me disaient, sans qu'il parle, « Hortensia, non, tu ne vas pas encore aujourd'hui recommencer avec ça. Je croyais qu'on avait définitivement clos le débat. » « C'est ce que je croyais aussi, » lui dis-je. « Je n'y peux rien. Cette chanson me fait penser tout le temps à toi, tous les jours. Elle est un peu comme... »« Cette chanson n'est rien du tout, » trancha-t-il, les yeux furieux, en se levant les deux mains sur les hanches, comme s'il était prêt à tout pour que je ne recommence pas la scène dans sa chambre vieille de 11 ans. Je ne voulais pas l'entendre de cette oreille, alors je m'emportai, et je me suis mise à l'insulter bêtement, sans plus me contrôler. « Tu es comme une autruche, mon pauvre. Il faut que je fasse quoi pour que tu comprennes que je ne peux plus vivre comme ça ?»« Hum, vous voulez que je fasse quoi, monsieur Vincent Jules Auriol ? Que je me sectionne les poignets parce que l'homme que j'aime depuis des années ne veut pas de mon amour et qu'il n'en a rien à cirer, c'est ça que t'attends de moi ?»« Je ne veux pas que tu recommences tes conneries, hein, ok » dit-il en s'éloignant de moi, encore plus, comme si j'avais la peste. « Et puis tu sais que j'aime Ariane. »« Je sais bien que entre vous c'est fini, » déclarai-je désespérément. « Alors ne te sers pas d'elle pour me repousser. Si elle t'a quitté, c'est parce qu'elle ne t'aime pas comme moi. »« Arrête » fit-il d'un geste du bras. « Tu perds la tête ou quoi ?» Je lui demande alors. Pourquoi ? Parce que pour toi, aimer quelqu'un, c'est perdre la tête ? Où es-tu allé chercher de telles sottises ? Et toi alors, qu'est-ce qui a déclenché cette connerie en toi au juste ? Dis-moi, déclara-t-il en me laissant planter là pour sortir. En entendant cette question, ma mémoire fit un bond dans le passé, et c'est une image qui surgit dans mon esprit en flash. Et je voyais encore Vincent et Fernande s'embrasser. Alors, je me souviens que c'est ce jour-là que j'ai découvert mon amour pour lui pour la première fois. C'était la réponse à sa question. Mais je n'allais pas le lui dire, sinon il me prendrait encore plus pour une détraquée. Une idée jaillit soudain en moi. Et si c'était possible que lui aussi ressente cet amour en me voyant embrasser un homme ? Disons, qui sait, peut-être il serait jaloux et on découvrirait qu'il était amoureux de moi sans le savoir. Je décidai, pour arriver à mes fins, de me servir de Richard, un ami qui me draguait depuis un bon moment sans succès jusque-là. Quand on se revit, on fit comme si notre discussion n'avait jamais eu lieu. Le lendemain matin, je déjeunai avec lui avant de me rendre à mon travail. Il était beau comme jamais, dans un tricot blanc immaculé, moulant son torse musclé. Nous avions parlé de tout et de rien à la fois. Nous avions même évoqué des souvenirs d'enfance et nous en avions ri comme un vrai couple. Je lui donnai comme toujours un baiser sur la joue pour lui dire au revoir. Je pense que, comme un périgneux, il ne voulait pas que cette discussion touche à notre amitié, notre fraternité. Comme si, moi, j'avais besoin ces blablabla de frères. Je revins ce jour-là du travail en compagnie de Richard, qui est un jeune homme brun, la trentaine, beaucoup plus grand que Vincent, surtout plus mignon que lui. D'ailleurs, c'était la véritable raison pour laquelle j'avais reporté mon choix sur lui plutôt qu'un autre soupirant. J'avais appelé Richard le matin, en lui disant que je l'invitais chez moi pour le présenter à mon frère, qui tenait à tout prix à connaître mon petit ami. Il était flatté que je le choisisse pour tromper mon frère. Il m'avait dit alors, « Tu sais quoi, poupée ? C'est Dieu qui agit en ma faveur, je le sens. Tu refuses mes avances depuis plus d'une année, et du coup tu me demandes de me faire passer pour ton petit ami devant ton frère durant son séjour de quelques jours chez toi. Tu sais quoi ? J'accepte de le faire, non pas parce que je suis stupide, mais parce que je sais que même après son départ, je resterai ton petit ami pour de vrai. Et plus tard, tu vas tomber amoureuse de moi, et nous allons nous marier tous les deux. » J'avais l'impression d'entendre une histoire au cinéma. Mais d'un côté, j'avais peur que cela puisse se réaliser. Or, Dieu même savait que si je devais un jour me marier, ce serait pour devenir Madame Auriol. Même si je rencontrais une célébrité riche, jeune et beau qui me demandait en mariage par miracle, je dirais non pour Vincent. J'étais incapable d'aimer un autre homme à part lui. Quand je suis arrivée chez moi avec Richard, Vincent était sorti. Je réchauffais un bon plat que nous avions mangé, accompagné du bon vin devant la télé. Après le repas, nous étions assis à bavarder un peu quand Vincent arriva. D'abord un peu surpris en voyant mon compagnon, il vint lui serrer la main. Très pressé, je déclarais alors « Vincent, je te présente Richard Leblanc, il est médecin. Il est mon petit ami depuis un an et demi. » Je vis en ce moment-là une ombre passer sur le visage de Vincent qui néanmoins fit apparaître un sourire que je sentais bien forcé. Quant à Richard, il était tout content en m'entendant le présenter ainsi. Si seulement il savait qu'il avait en face de lui l'homme dont je lui avais dit maintes fois en être amoureuse, si amoureuse, raison pour laquelle il n'avait pas beaucoup de chance avec moi. Sa joie allait disparaître aussi vite qu'elle était née. « Richard, continuai-je, lui c'est mon frère aîné. » Je vis le sourire de Vincent se figer en attendant le mot « frère » qui pourtant, il disait toujours, lui était si cher. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi me donnait-il l'impression d'être scandalisé lorsque je le présentais à mon petit ami, de circonstance, comme étant son frère? Un secret espoir naissait en moi, et si... Il s'appelle Vincent de Bourbon comme moi, évidemment, continuai-je donc de mentir brillamment. Les deux hommes se serrèrent les mains en chuchotant, désenchantés, un peu avalés pour Vincent. Richard, tout enthousiasme, me prit sensuellement par la hanche et dit à Vincent, qui était visiblement très mal à l'aise. « En tout cas, je suis content de faire enfin votre connaissance. J'aime comme fou votre sœur. Je crois qu'il n'existe pas au monde une créature plus merveilleuse que Hortensia. Vous avez la chance d'avoir une sœurette comme elle. » Mon ami jouait bien le jeu, car je voyais bien que Vincent était devenu nerveux. Je connaissais bien ses manières quand il était sous tension. Il passa sa main dans ses cheveux et se lécha les coins de sa bouche. Pour le mettre encore plus la tension, je donnai un baiser profond mais bref à Richard, qui aurait bien voulu que cette comédie dure toute sa vie. Vincent se contenta de nous dire de l'excuser, mais qu'il allait se doucher pour se changer et revenir nous rejoindre. Il était 19h. Il ne redescendit pas jusqu'à ce que mon ami s'en aille aux environs de 21h30. Je choisis de ne pas le déranger et je montai me coucher. Quelques minutes après, j'entendis sa porte s'ouvrir. J'entendis des bruits dans le salon. Je savais qu'il était en train de manger. Je conclus que c'est parce qu'il voulait éviter de nous revoir qu'il était resté tout ce temps enfermé dans sa chambre. Qu'est-ce que cela pouvait bien pouvoir signifier? Qu'il ne voulait pas nous déranger dans notre intimité? Qu'il ne trouvait pas Richard sincère avec moi? Ou alors que cela ne lui plaisait pas de me voir avec Richard? Dieu, si ça pouvait être ça, s'il pouvait être jaloux! Le lendemain matin, un samedi, je n'allais pas au travail. Au petit déjeuner, tous les deux, nous n'échangeions pas plus de deux mots. Il avait la tête dans son couvert, comme s'il était furieux après moi. J'essayais de converser avec lui, mais il me répondait distraitement, sans même me regarder. Il se leva et me dit qu'il allait en ville faire un tour. Je lui dis que comme je n'allais pas au travail, je voulais l'accompagner. Il me dit que non, d'un ton sans réplique. J'avais peur qu'en revenant, il m'apprenne qu'il avait décidé d'écourter son séjour à Limoges. Je me disais qu'en voulant le rendre jaloux ou qu'il soit à moi, j'étais plutôt en train de le perdre. Et grave, même son amitié, je ne l'aurais plus. Vincent revint avec des magazines et s'assit avec moi devant la télé. Je lui dis que ma mère avait appelé et qu'elle lui disait bien des choses. Il me dit ok et prit une revue qu'il se mit à lire. Le silence s'installa. On était devenus comme des étrangers. J'essayais de me concentrer sur le CD de Laurie, que je regardais sans succès. J'étais tourmentée par son attitude. Et puis, quelqu'un sonna à la porte. J'allais ouvrir, et c'était Richard qui venait d'arriver sans prévenir. Dès qu'il pénétra dans la maison, il me prit dans ses bras et m'embrassa. S'il savait que pour moi le jeu était terminé, il ne ferait pas cela. J'étais fâchée, mais je ne lui montre pas. Il me lâcha et alla saluer Vincent, et prenant place, il essaya de faire la conversation. Mais Vincent se montrait plus froid avec lui que la veille. On dirait que Richard ne se rendait pas compte, car il lui proposa d'aller en notre compagnie le lendemain assister à un match de foot. Invitation que mon frère, cher frère, refusa brutalement. Il s'excusa auprès de nous pour aller se reposer dans sa chambre. Restés seuls, nous sommes allés dans le jardin, nous sommes assis sur le gazon, à l'ombre du pommier, le seul arbre dans mon jardin. Et avec une assiette pleine de sucreries que m'avait apporté Vincent. Et alors Richard m'embrasse dans le cou et me dit « Ne lève pas la tête, Hortensia, sinon elle va savoir qu'on l'a repérée. »« Quoi ?» interrogeai-je, sans rien comprendre à son ordre. « Est-ce que tu sais que ton frère est dissimulé derrière les rideaux de la fenêtre en train de nous observer ? m'apprit-il en me caressant amoureusement les épaules. « Qu'est-ce qu'il a, ton frère ? On dirait qu'il n'apprécie pas notre relation. Tu m'as pourtant dit qu'il voulait que tu lui montres son petit ami, non ? Mais alors, pourquoi il a l'air mécontent ? Quand je suis avec toi, je ne comprends pas. » « Je ne comprends pas non plus, » répondis-je embarrassé. « Il t'a dit quelque chose ? » me demanda-t-il. « Non, rien, justement. Qu'est-ce que tu veux qu'il me dise ?» Il me mit un chocolat dans la bouche. Je ris. Il me donne un baiser, me fixe droit dans les yeux et me dit d'une voix si triste que je ressentis tellement de pitié pour lui et je regrettais d'avoir voulu me servir de lui pour Angelo 20 ans. « Je t'aime, Hortensia, je suis sincère. Je ne sais pas, peut-être que ton frère pense le contraire. Il croit que tu ne dois pas avoir confiance en moi parce que je vais te faire souffrir, mais il se trompe, je suis fou amoureux de toi. Il ne trouvera pas pour toi meilleur mari que moi. Dis-lui ça pour qu'il arrête de m'en vouloir. Parce qu'il m'en veut, comme je le constate. Quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il a envie de me voir disparaître. Un peu comme si j'étais son rival, quoi. Je comprends pas qu'on puisse aimer sa sœur au point de ne pas supporter la voir dans les bras d'un autre homme. Et il n'est pas le seul, il y a plein de personnes qui détestent voir leur frère ou leur sœur avec d'autres personnes, ça les rend jaloux, sans qu'ils le veuillent vraiment. C'est plus fort qu'eux-mêmes, comme disent les psychologues. Ce n'est pas le cas de chez Vincent, dis-je en espérant au fond de moi que ce qu'il disait soit la vérité. Il est un peu froid avec toi, mais je sais que c'est à cause de ses problèmes personnels. Il vient de rompre avec sa concubine, et donc nous voir ensemble si amoureux le rend mélancolique et un peu triste. Ça va lui passer, tu verras, c'est un garçon aimable. Quand Richard s'en alla enfin vers 18 h, j'apprêtais le dîner et attendis que Vincent daigne descendre pour qu'on dîne sans rien faire. Vers 19 h, je décidai de l'appeler dans sa chambre. Je frappai plusieurs fois en l'interpellant avant qu'il ne réponde sans ouvrir la porte. Je lui dis de venir et je l'attendais pour le dîner et il me dit « Vas-y sans moi, je viendrai manger plus tard, je n'ai pas encore faim. »« Ok, comme tu veux. » Et j'alors dis d'une voix sèche avant de retourner à mon sofa, continuer à visionner mes clips de Laurie, avec sur ma petite table une assiette de ragoût de pommes, plat préféré de Vincent, que j'avais cuisiné gentiment pour lui faire plaisir. Je ne le vis que le lendemain dans la soirée. Il était sorti très tôt de la maison avant que je ne sois debout. J'avais pensé au départ qu'il dormait encore, mais quand je frappais à sa porte pour le petit-déj, il ne répondit pas. J'ouvris la porte qu'il ne m'avait pas verrouillée, il n'y avait personne. J'avais eu peur un instant qu'il soit parti comme ça sans rien me dire, sans rien pas même me dire au revoir, mais je vis que ses affaires étaient là. Quel soulagement! Je l'attendis toute la journée et aux environs de 22 h, il rentra et je sentis une odeur d'alcool sur lui. Il avait bu. Mon hypothèse fut confirmée quand il rit en voyant mon visage préoccupé. S'il n'était pas un peu saoul, il n'allait jamais se comporter ainsi. Je lui demandai brutalement, je le reconnais, d'où est-ce qu'il revenait ivre ainsi. Il se mit en colère et me dit de m'occuper de mes oignons, ou de Richard, et de le laisser en paix. Alors je criai, laisse Richard en dehors de ça. Pourquoi ? Me demanda-t-il. C'est à cause de lui justement que je suis sortie, pour vous laisser votre intimité. Je ne voulais pas être de trop, quand il est encore arrivé ici ce beau dimanche bien ensoleillé pour les amoureux, non ? Personne ne t'a dit que tu nous dérangeais ? Lui dis-je offensé. Hier, Richard a eu l'amabilité de t'inviter à sortir et tu as refusé. Alors que veux-tu ? Il essaye d'être sympa. Et toi, tu le toises, comme s'il avait fait quoi que ce quoi. Tu sais quoi ? M'interrogea-t-il. Je n'ai aucune envie de m'imposer la présence de ce type. Je ne peux pas. Tu es injuste. Je ne vois pas pourquoi tu le refoules de la sorte sans même prendre soin de le connaître. Il est ton amant, hein, c'est pas mon ami. Il peut devenir ton ami aussi, si tu veux. Moi, jamais. Et pourquoi ? Moi, je suis devenue plus qu'une amie pour Ariane. Et avec d'autres filles avec lesquelles tu sortais pourtant. Pourquoi toi, pour le premier que je te présente, avec qui j'ai envie de fonder un foyer, tu refuses de le sentir? Parce que moi je suis pas comme toi, je ne ressens pas les choses comme toi. Je suis incapable d'être l'ami à tes amis. J'ai déjà mes amis, et je n'en veux pas d'autres. Surtout pas tes amis avec un grand A. Je n'ai pas envie de te fournir d'explications, c'est ainsi. Tu es injuste avec moi, je lui reproche. Et puis je ne comprends pas que par antipathie pour ce garçon, tu t'absentes toute la journée de la maison sans m'avertir. Je me suis inquiétée toute la journée. Arrête de me distraire, hurla-t-il en riant sourdement. Toi, tu as tout le temps de t'inquiéter pour moi avec ton ami, qui, je sais, a passé tout son dimanche ici à te couvrir de baisers. Tu n'es pas drôle, tu sais. Richard travaille aujourd'hui. J'étais toute seule ici. Et tu es en train de me décevoir. Tes réactions me surprennent depuis un moment. Je ne comprends pas que Richard, en lui seul, puisse détruire tant d'années d'amitié. Je n'arrive pas à croire que tu ne supportes pas d'être dans la même pièce que moi. Nous sommes devenus comme deux étrangers. Et pourquoi ? C'est vrai ça, rit-il. Et puis arrêtons de discourir sur ces bêtises, je vais me coucher. Pour encore aller boire ? Dehors demain, hein ? Oui, mais ce ne sont pas tes oignons. Occupe-toi de ton médecin aux muscles rebondissants. Laisse-moi aller me faire plaisir là où ça me chante. Je suis en vacances ici en Limoges, et non en pension que je sache. Excédé, je lui dis que j'ai au moins le droit de savoir où il allait, parce qu'il était avant tout chez moi. Il me dit alors, à mon âge, je pense avoir le plein droit, même si je loge chez toi, petite sœur, pour mes vacances, et faire ce qui me chante. T'es aussi libre de te barrer de chez moi pendant que nous y sommes, grand frère, lui criai-je, sans pouvoir maîtriser ma fureur. Ok, ne t'en fais pas, je rentre chez moi dès demain. D'ailleurs, j'ai pris la décision de m'en aller le mercredi. Demain, je vais te foutre la paix, Claire Hortensia. Et il me laissa planter là, comme toujours, pour s'enfermer dans sa chambre. Je l'aimais trop pour me laisser me quitter en colère. Je courus à sa porte, et malgré mes coups frappés à la porte pour le supplier de m'écouter, et ne pas s'en aller comme ça et foutre en l'air des années d'amitié, il ne m'ouvrit point. Je partis me coucher et je savais d'avance que j'allais passer une nuit plus que blanche. Très tôt, je suis encore allée frapper à sa porte. Cette fois, il m'ouvrit, avec une serviette au cou. Il allait se doucher, ses bagages étaient fin prêts. Il voulait donc vraiment s'en aller. Il ne me laissa pas le temps de parler qu'il entra dans la douche. Je m'assis sur son lit, déterminée à l'attendre et affronter sa rage, quelle qu'elle fût. Pour la première fois depuis très longtemps, je l'entendis chanter sous la douche. Et quelle chanson ! La chanson de Laurie, que je jouais tout le temps depuis qu'il était chez moi. Un vrai miracle, et je devrais en rire, mais le voir chanter me rendit encore plus triste, car je me disais que s'il chantonnait, c'était qu'il était vraiment content de me quitter. Quand il me retrouva, là, après la douche, il ne s'occupa guère de moi. Il s'habilla, et quand il rangea ses dernières choses dans son sac, je lui dis « Tu veux vraiment t'en aller comme ça ?»« Oui, je te l'ai dit hier, » murmura-t-il. « Je pars. »« En colère après moi ?» affirmai-je. « Je te demande de m'excuser pour ce que je t'ai dit, cela m'a échappé. » Je ne voulais pas te mettre à la porte de ma maison, crois-moi. » Il me regarda, remua la tête et me déclara tranquillement. « Hortensia, écoute, la vérité, c'est que j'avais pris la décision de partir depuis... Ce n'est pas à cause de ce que tu as dit hier, ok ? Pardonne-moi, commençai-je en me mettant debout. « Arrête !» m'intima-t-il d'un geste du bras. « Écoute-moi bien. Si je suis venue ici, c'est pour passer du bon temps avec toi et oublier un peu mes problèmes, mais je constate au fil des jours que je n'ai encore plus de chagrin, alors je préfère m'en aller. « Quel chagrin t'ai-je causé ?» lui demandai-je. « Dis-le-moi, s'il te plaît. Je te demande pardon. Si c'est à cause de Richard, je te jure qu'il ne va plus revenir ici jusqu'à ce que tu t'en ailles. Comme prévu, le vendredi prochain. Ok, ça te va comme ça ?»« Non, je pars, c'est tout, » fit-il en se saisissant de son sac. Je le supplie alors. « Masson, s'il te plaît, ne me laisse pas. Ne t'en va pas, par pitié. » Sans se préoccuper de moi, il prit la direction de la porte avec son sac. Je le suivis jusqu'à la porte de la maison tout en le suppliant de rester. « Au revoir, Hortensia, » me dit-il en ouvrant la porte pour quitter ma maison et ma vie aussi. Je retournai en courant dans mon salon. Je rabattis la porte. Je me suis écroulée sur mon sofa en pleurs. Je crois que je pleurais toutes les larmes de mon corps durant des minutes avant de m'endormir là comme une orpheline. Je fus réveillée par un bruit de porte qui s'ouvre, et c'était la porte du salon que je n'avais pas verrouillée. Et qui vis-je alors apparaître comme un fantôme dans les vaisseaux de lumière qui pénétraient par l'ouverture de la porte ? Fait incroyable ! Mais c'était bel et bien Vincent avec son sac ! Je crus un moment que j'étais en train d'halluciner. Mais non, il était réel. Je m'assis et frottai mes yeux tout enflés à force d'avoir pleuré. Il s'approcha de moi, et à mon grand étonnement, il me mit brutalement debout, me serra à m'étouffer dans ses bras, et tout à coup il m'embrassa violemment, mais avec plus de douceur que dans mes rêves les plus fous. Quand il mit fin à son baiser, mon visage entre ses deux paumes, il me murmura. « Pardonne-moi, Hortensia, je suis si jaloux, je ne savais plus ce que je faisais. Je me suis mal pris avec toi. Je tiens tant à toi que te voir avec lui est en train de me faire perdre la tête. Je voulais m'en aller loin d'ici pour mettre fin à cette torture, puis j'ai été incapable de le faire. J'ai compris mon erreur. Me voilà. Je t'aime, Hortensia. Je t'en supplie. Dis-moi que je n'ai pas eu tort de revenir vers toi, d'accord ? que lui répondre, si ce n'était que j'étais la femme la plus comblée du monde. L'entendant me chuchoter de si belles choses, des paroles que mes oreilles rêvaient d'entendre depuis que j'avais 15 ans. Ainsi donc, cette chaude matinée d'été, qui était partie pour être la plus pénible de toute ma vie, était devenue la plus belle. C'est ainsi que l'automne qui a suivi, je suis devenue Madame Claire Hortensa Auriol. Nous rêvons d'avoir un enfant pour égayer notre maison et notre vie, mais ce trésor ne vient toujours pas. Vous savez quoi? Nous sommes revenus bouleversés de la clinique après qu'on nous ait dit que j'étais la cause pour laquelle notre couple avait du mal à concevoir un enfant. J'ai dit alors à Vincent, mon mari, « Je suis désolée, je t'ai tout fait pour mettre le grappin sur toi, et voilà que par ma faute, peut-être que tu n'auras jamais d'enf... » Il me laissa pas finir ma phrase. Il mit un doigt sur la bouche et déclara, « Arrête de dire des sottises, tu n'as rien fait, chérie. Écoute, je t'ai épousée parce que je t'aime. Donc je m'en contrefiche si tu ne me donnes jamais d'enfant, parce que c'est toi avant tout qui est ma priorité. Je ne me suis pas mariée avec une mère porteuse, mais avec toi. Ne t'en fais jamais pour moi. Je garderai auprès de moi, avec ou sans enfant, parce que je sais que c'est ce que le ciel veut pour nous, qui est pour nous. Et puis, tu as entendu ce qu'a dit le médecin. Il va nous aider en voyant des spécialistes. Tout ira bien. » Cette conversation date de quelques mois au moins, et aujourd'hui, je n'ai toujours pas la chance de concevoir cet être cher qui aura nos deux sangs dans ses veines. Toutefois, comme je crois en Dieu, je sais qu'un jour, le miracle s'opérera, et alors j'enfanterai comme Sarah dans la Bible. Je finis en remerciant tous ceux qui auront la gentillesse de prendre un peu de leur précieux temps pour savoir mon histoire. À mon retour du Vietnam, troisième histoire, qui s'intitule justement « À mon retour du Vietnam ». Première lettre de Marilyn McQueen au soldat Brian Cold. Bonjour, je suis Marilyn McQueen et je vous écris de l'Oregon. Je me suis rendue au club des amis des soldats section Portland. Je voulais faire partie des amis des soldats et donc on m'a donné votre nom. J'espère, comme les autres jeunes filles en Amérique, vous apporter un peu de réconfort au Vietnam par mes lettres. Il faut dire qu'au club, on ne nous laisse pas le choix. C'est un soldat pour une correspondante. C'est le patron du club qui nous impose un soldat. Je ne sais rien de vous, mais je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Il faut l'être pour accepter d'aller loin de tout, sous d'autres cieux, se battre pour sa patrie. Je crois qu'il faut être quelqu'un de dévoué pour aller au Vietnam, non? Je vous envoie ma photo, afin que vous sachiez de quoi j'ai l'air. Et j'espère bien que vous allez aussi m'envoyer la vôtre, parce qu'on m'a donné votre nom sans une image de vous. Je sais que c'est dur pour vous dans ce pays hostile, mais je prierai chaque jour, afin que vous reveniez dans votre pays sain et sauf. Je sais que vous recevez beaucoup de l'aide de votre famille, de vos amis, et aussi sans doute d'une belle fiancée qui vous attend en Amérique. J'espère quand même que vous allez prendre un peu de votre temps pour répondre à moi, l'inconnu. Bonne chance et que Dieu vous protège de tous les dangers. Réponse de Brian Cold, 2 mois plus tard. Je suis très content de t'avoir comme ami de guerre. J'avoue que je n'étais pas très intéressée par cette histoire de correspondante. Mais depuis que j'ai reçu ta lettre, je crois que ce club a eu une bonne idée. Se faire de nouveaux amis pendant que nous sommes ici au Vietnam est d'un grand réconfort, et je sens que ça va m'être bénéfique. Je tiens à te signaler d'ores et déjà que je suis quelqu'un de très franc. Je vais alors te demander pourquoi, pour une Américaine, tu ressembles plutôt à une Asiatique. Tu vois, quand j'ai montré ta photo à Trevor Robinson, un ami de troupe, il l'a montré aux autres, qui ont commencé à se marrer. Shackleton m'a dit alors, « Ça, c'est la meilleure. C'est une vieille Kong que ce club a pu te trouver comme ami dans toutes les États-Unis. C'est la poisse. Toi, t'as intérêt à faire attention ici, hein ?» Je leur ai arraché la photo, que j'ai cachée au fond de mon sac. Ils ont continué des jours durant à se moquer de moi. Voilà pourquoi j'ai mis du temps pour t'écrire. Ce matin pourtant, j'ai écrit à mes proches en Amérique et puis je me suis dit, mais pourquoi pas à toi aussi? De toute manière, tous les Asiatiques ne sont pas Vietcong. La preuve est qu'ici même, tous les Vietnamiens ne sont pas des Vietcong. J'ai regardé à nouveau ta photo et j'ai lu dans tes yeux, bridés et pétillants, quelque chose qui m'a touchée et que j'ai du mal à expliquer à moi-même. Il y a eu comme une voix qui m'a dit que ces yeux-là vont me surveiller et m'assurer une protection, ici, au Vietnam. Dieu seul sait combien nous, soldats, en avons besoin pour survivre dans ce pays où on n'entend en longueur de journée que des tirs, des bombardements, des hurlements et des pleurs. C'est ici que se trouve l'enfer, je te le jure. Mais que faire? Nous sommes obligés d'être là, pour la cause de notre patrie. Cela fait partie des inconvénients d'être américain, comme disait Parton, un ami soldat, qui d'ailleurs est porté disparu depuis un mois. Il est sûrement tombé dans un piège à trous, creusé par les Vietcong, dans la forêt marécageuse. J'ai des fois l'impression de vivre les derniers instants de ma vie et d'être condamné à mort. J'ai cette sensation très pessimiste que je ne vais plus jamais revoir ma terre natale. Et là, je suis triste. J'ai une telle peur au ventre, certaines fois je n'ai pas l'appétit. Je prie pour retourner vivant chez moi, revoir mes parents, et surtout Julia, la fille que j'aime. Elle vit dans le Michigan. C'est d'ailleurs là-bas que vivent mes parents, chez qui j'étais avant de m'engager pour venir au Vietnam. Mon père est médecin, et ma mère est avocate. Je suis le dernier d'une famille de 3 enfants. Mes 2 sœurs sont déjà mariées, elles sont très belles. « C'est normal que tu dises ça », disait souvent Julia. « Ce sont tes sœurs. » En tout cas, j'espère qu'un jour, je reverrai Julia, que je reverrai ma maison, que je reverrai l'Amérique. À bientôt, Marilyn. Deuxième lettre de Marilyn à Brian, 3 semaines plus tard. Salut Brian, c'est encore moi, la Vietcong américaine. Je sais que tu vas sourire en lisant cela, mais c'est ça, c'est encore moi. J'ai reçu ta lettre il y a 3 jours et j'ai été contente de la franchise. Sache que je ne t'en veux pas, au contraire. Je vais te raconter l'histoire de ce visage de Vietcong qui me caractérise. Il faut dire que je suis un peu, comme le dit mon père, sa meilleure récompense de la guerre de Corée. Mon père, un Américain, était allé à l'époque, comme toi, en Corée du Sud, pour défendre les intérêts de sa patrie. Il a fait 9 mois, presque, en Corée, et c'est là-bas qu'il a rencontré ma mère, une Sud-Coréenne. Il avait séjourné dans le village de ma mère, et une nuit, il fallait évacuer le village parce que les troupes ennemies avançaient. Ils ont dû aider les villageois à rejoindre un village sous protection, après avoir traversé bien des épreuves. D'après mon père, plus tard, leur troupe a quitté les villageois qui étaient à l'abri pour aller reprendre les combats, et mon père est revenu, atteint par des tirs au bras. C'est durant sa convalescence qu'il a fait véritablement la connaissance de ma mère, qui est une très belle jeune fille. Elle lui apportait gentiment chaque jour un bol de bouillie de riz bien chaud. Selon lui, c'est ce bol de riz qui a conduit son cœur de blessé. Quelques jours plus tard, il fut évacué aux États-Unis et son cœur, lui, était resté en Corée auprès de cette délicate jeune fille nommée Lynn qui allait devenir sa femme quelques mois plus tard. Quand mon père, rétabli, repartit en Corée dans le village de ma mère, c'est ma tante qui lui a appris que ma mère travaillait comme fille de salle dans un hôpital à plus de 70 km du village. Il s'y rendit et la trouva. Elle était contente, mais surtout étonnée de le voir. Maman m'a dit un jour que ce jour-là serait pour elle, toujours, le plus beau jour de sa vie, tant elle avait été fière que ce beau soldat américain revienne dans la Corée en feu et en sang rien que pour la chercher, elle, la petite villageoise coréenne. C'est ainsi qu'il revint dans l'Oregon avec elle, avec beaucoup de difficultés administratives, comme tu peux l'imaginer. Ici, malgré le mécontentement de sa tante Mary, ils se marièrent. Je revins au monde et il me baptisa Marilyn, qui est un mélange de Mary, le nom de sa tante qu'il a élevée à la mort de ses parents, et de Lynn, le nom de ma maman. C'est un peu mon histoire, c'est-à-dire l'histoire de cet enfant, issu d'un amour romanesque né pendant la guerre de Corée. Je suis fière, et tu peux le dire à tes compagnons, d'être ce que je suis. Ils peuvent me taxer de Vietcong, mais Dieu sait que je suis de cœur avec vous tous, soldats américains qui vous battez au Vietnam. Transmets mes encouragements à tous tes amis et dis-leur bien que je prie pour vous et que me connaître pour toi, ce n'est pas de la poisse mais de la chance. Que Dieu te protège, Brian, de n'importe quel danger qu'il opère des miracles pour te sauver de tout piège ennemi. Marilyn, ta correspondante. Réponse de Brian à Marilyn, quelques semaines plus tard. Marilyn, tu sais, il y a quelques jours, j'ai failli mourir. Nous sommes tombés dans une embuscade. Nous étions 15 soldats. 6 sont morts sur le coup. Et nous avons été obligés de les laisser pour prendre les 5 blessés graves et fuir à travers la jungle. On entendait partout des bombardements, des hurlements et des tirs. Je ne vais jamais oublier ça. Trevor Robinson, celui qui est devenu mon meilleur ami ici au Vietnam, est gravement blessé à la jambe. Je l'ai porté sur le dos des kilomètres pour fuir les combats. Il fallait que nous portions les blessés. C'est le principe de l'armée américaine. Pas question de laisser les blessés derrière. Moi, j'étais tenue de sauver Trevor parce que c'est un soldat, mais surtout parce que nous sommes devenus très proches ici. En fait, Trevor et moi sommes tous deux du Michigan. C'est quelqu'un qui n'était pas vraiment mon ami, mais quand nous nous sommes retrouvés ici, au Vietnam, dans le même régiment, cela nous a forcément rapprochés. Je suis content, parce que j'ai reçu avec beaucoup de courage le faire sortir ce jour-là de la zone de combat. J'étais moi-même blessée à l'épaule, mais ce n'était rien comparé à la blessure de Trevor qui avait perdu connaissance. Il y a quelques jours, il a été évacué en Amérique et je suis très content pour lui parce qu'il va être bien soigné là-bas. Tu sais, quelquefois, on a envie d'être gravement blessé pour retourner chez nous. Mais c'est le patriotisme qui prend le dessus quand on est au combat. Et puis, il faut lutter, sinon c'est la mort. J'ai envie des fois de voir mes parents et surtout de serrer ma fiancée dans mes bras. Elle me manque. Ses lettres ne me suffisent plus. C'est de sa présence que j'ai besoin. J'espère que toute cette atrocité va finir un jour. Tu as la chance d'être une fille, sinon peut-être que toi aussi tu viendrais au Vietnam. À très bientôt. Troisième lettre de Marilyn à Brian, 6 semaines plus tard. Tu sais quoi? J'ai rêvé, et dans mon rêve, la guerre était bien terminée. Et puis tu es rentré en Amérique avec beaucoup de gloire. J'espère pour toi que mon rêve se réalise, parce que j'aimerais au moins te connaître un jour. J'ai été admise à mon examen de fin d'année. Je vais entrer à l'école des infirmières. Mon père dit que vous, les soldats d'aujourd'hui, avez de la chance d'avoir des amis qui, sans vous connaître, vous écrivent des lettres pour vous permettre de supporter l'horreur de la guerre. J'ai vu la fois dernière à la télévision que des soldats sont tombés dans des embuscades. Je me suis inquiétée pour toi. Je n'ai rien mangé ce jour-là, je te le jure. Et puis quand j'ai reçu ta lettre hier, j'étais contente que tu sois en vie. Je suis désolée pour tes compagnons. La guerre est vraiment quelque chose de terrible. Je me demande, en voyant tant de pertes humaines, pour quelles raisons valables l'Amérique envoie ses enfants dans ce merdier qui s'éternise. Je suis comme toutes les familles américaines qui ont marre de cette sale guerre qui ne fait que nous endeuiller. En tout cas, je prie que tu rentres le plus tôt possible chez toi, sain et sauf. Surtout, aie foi, il ne t'arrivera rien. Marilyn, ton ami qui prie pour toi à chaque instant. Réponse de Brian, des mois plus tard. Bonjour. Cela fait des mois que tu n'as pas de mes nouvelles. C'est parce que nous n'avons pas un temps de répit. Les combats ont redoublé d'ardeur. Les Vietcong nous tendent de plus en plus d'embuscades, avec des méthodes imprévisibles et même impensables. Et moi, je peux affirmer que je suis un miraculé. Crois-moi, j'ai du mal à croire que je suis toujours vivant, avec tout ce qui nous est arrivé. Dernièrement, nous avons perdu beaucoup de soldats. Il y a des nuits où, embusqués dans des trous dangereux avec reptiles et insectes, j'ai pensé à mon lit, confortable, que j'ai laissé dans le Michigan, cet endroit que j'adore. Je pense à ma mère, à mes sœurs et à Julia, au parfum de ses cheveux roux, et je me demande pour quelle bonne cause on nous a envoyés ici, dans ce merdier. Marilyn, tu ne peux pas savoir concrètement ce que c'est que de vivre l'horreur dans une jungle asiatique. Ton père et ta mère, oui, et ça se fait qu'il me rapproche de plus en plus de toi. C'est fou, mais quand je pense à toi, à l'histoire de ta naissance, j'ai la sensation idiote peut-être que je ne vais pas crever au Vietnam. Je pense que je rentrerai vivant chez moi, parce que Dieu ne peut pas me permettre que je ne te rencontre jamais. Ce sera trop cruel qu'il nous fasse ça, n'est-ce pas? Tout compte fait, il faut avouer que combattre dans ce coin du monde, c'est un peu comme venir en enfer. On ne voit que des flammes, des cadavres, du sang, des larmes, des bestioles, rien que le mal et l'horreur. Ici, ce qui est grave, c'est que l'on ne doit avoir confiance en personne, sauf en ses compagnons de troupe. La confiance a foutu le camp. Ici même, un bébé peut être un piège dangereux pour nous. Tu sais, la seule distraction pour nous, les soldats, ce sont les jours où on est dans une ville, en zone de confiance, et là, les soldats s'adonnent en plein excès, je dirais. Mais c'est le cas pour notre régiment depuis presque une semaine. Nous sommes à Saïgon. On se retrouve dans des bars avec des prostituées vietnamiennes, des filles qui sont contraintes de se vendre pour avoir de quoi vivre. Hier, par exemple, dans un bar, l'une d'elles n'arrêtait pas de se trémousser devant mes yeux et à me faire des avances. Et puis, elle m'a fait penser à ta mère, et je me suis dit alors que pendant la guerre de Corée, quelqu'un aurait pu la contraindre à faire ce type de boulot pour survivre, alors qu'en fond, elle souffrait dans son âme. Et donc, cette prostituée m'a fait pitié. Je lui ai tendu des pièces, en lui disant que je n'avais pas besoin de ses services, et qu'elle pouvait les prendre gratuitement, et me laisser boire tranquillement. Mais au lieu de me remercier, tu sais ce que cette fille m'a dit dans un anglais que tu imagines laisser à désirer? Elle m'a crié sourdement en plus de refuser brutalement mon argent, que j'étais un salaud et que je ne voulais pas de ses services parce que j'ai trop de haine pour les gens de sa race, et m'a traité de raciste pourri. Les soldats se sont mis à se moquer de moi, et Jimmy l'a récupéré pour aller bénéficier de ses services. Mais pour combien, s'il te plaît? Quelques pièces. Beaucoup moins que ce que je voulais qu'elle accepte sans rien lui réclamer en retour. Moi, tu vois, je me fiche de ce qu'elle a eu à me dire, puisque je sais que ce n'est pas la vérité. Je ne suis pas raciste, je ne le serai jamais. D'ailleurs, où que je me trouve, j'ai toujours décrié les haines raciales. D'ailleurs, moi, personne ne peut m'inciter à ressentir une haine dont elle, la seule, à en savoir le motif. Je crois que par ici, le monde est à l'envers. Les bons sont taxés de mauvais, les mauvais de bons. J'espère, en tout cas, que cette guerre prenne fin et que je quitte ce monde de fous. Prie pour moi, Marilyn. Au revoir. Quatrième lettre de Marilyn, 5 semaines plus tard. J'ai pensé qu'il t'était arrivé quelque chose de grave, raison pour laquelle, il y a quelque temps, je me suis rendue au club des amis de la guerre pour prendre de tes nouvelles. Et là-bas, après avoir consulté la liste des tués et des blessés, ton nom n'y figurant pas, j'ai été soulagée. Ils m'ont dit que je devrais me tranquilliser et que sans doute, étant dans une zone de rude affrontement, tu n'avais pas de temps libre pour m'écrire. Quand hier, le facteur m'a dit que j'avais une lettre du Vietnam, j'ai hurlé de joie et je me suis précipitée pour la lui prendre des mains. Je suis heureuse que tu sois en vie et je sais que tu rentreras vivant en Amérique. Je te brûle des cierges chaque jour depuis que j'ai écrit ma première lettre. Tu sais, ma mère dit qu'elle aimerait bien, un jour, voir ce valeureux soldat pour qui je brûle chaque jour des cierges et pour qui je passe des heures souvent à l'église pour prier pour tous les soldats. En tout cas, ici, nous sommes aux informations depuis que le président a entamé une série de pourparlers sur la question de cette guerre. Nous sommes confiants qu'à l'issue de cela, il y aura des accords de paix et que nos vaillants soldats pourront revenir. On dit que si rien de nouveau ne survient, qu'un accord est trouvé effectivement, les premiers contingents rentreront dès la fin de ce mois. N'est-ce pas une bonne nouvelle? J'espère que tu auras la chance de revenir aussi. Je t'embrasse et te souhaite beaucoup de chance et que Dieu continue comme toujours de te protéger. Dernière réponse de Brian à Marilyn. Salut. Tu as bien remarqué par l'adresse sur l'enveloppe que je t'écris enfin des États-Unis. Notre contingent est rentré il y a seulement 2 jours. En fait, la date de notre arrivée a été repoussée puis précipitée finalement. Donc nous n'avons pas eu le temps de prévenir du jour exact de notre arrivée et nous avons pris de court nos parents et amis. J'étais bien content d'être de nouveau sur le sol américain, tu sais. C'est bon de respirer l'air pur de ma terre natale après 2 longues années d'absence. Ma mère m'a serré des minutes entières dans ses bras en versant des larmes de bonheur. J'ai revu mes amis et tous les gens de mon quartier sont venus à la maison me souhaiter un bon retour au pays. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui disent avoir prié chaque jour pour moi. Je te jure que nous avons tous rigolé quand même d'Esther, un vieux monsieur alcoolique qui ne sait plus lui-même depuis combien d'années il a parmi ses pieds dans une église, dit qu'il s'est rendu chaque dimanche à l'église rien que pour prier pour moi. Pourtant, durant mes 2 ans d'absence, personne ne l'a vu à l'église. Allez-y en savoir quelque chose. Eh bien ça, c'est propre au vieux d'Esther, toujours prêt à dire ce que les gens veulent entendre. Je suis allée plus tard chez Julia, qui habite un autre quartier, le quartier populaire, comme l'appelle mon père, qui n'a jamais été pour ma relation avec Julia, qui pour lui n'est pas de notre milieu social. Bref. Chez elle, sa sœur que j'ai trouvée m'a semblé plus mal à l'aise que surprise de me revoir. Elle m'a informé que Julia n'était plus à la maison depuis bientôt 1 mois. J'ai insisté et elle m'a griffonné l'adresse. Sans attendre, j'y suis allée. Que ne fut pas ma surprise, lorsqu'au lieu de Julia, c'est Trevor Robinson, revenu au pays pour cause de blessure, qui m'a ouvert la porte. La surprise passée, nous nous sommes embrassés et assis dans la petite maison. Nous avons parlé de la guerre et aussi de sa santé. Il m'a encore remercié de lui avoir sauvé la vie alors qu'il l'avait déjà fait en m'écrivant 2 lettres après son évacuation en Amérique 2 mois plus tôt. Il allait bien, et c'est par sa jambe gauche qui boitait encore légèrement et une large cicatrice au cou qu'on pouvait savoir qu'il avait failli perdre la vie dans les combats au Vietnam, d'où, grâce à Dieu, je suis revenu vivant. Il m'a appris que Julia était allée à la coiffure et qu'elle n'allait pas tarder. Je n'ai pas pensé lui demander ce qu'il faisait là, puisque Trevor et Julia, comme tous les jeunes de cette ville, se connaissaient pour avoir été pratiquement dans les mêmes écoles. Mais, en tout cas à ma connaissance, ils n'étaient pas ami-ami. Mais bon, après 2 ans d'absence, je ne sais pas, je me disais que les choses ont dû changer. Julia est arrivée et mon cœur s'est arrêté de battre. Non pas parce que je la revoyais, mais parce qu'elle avait un bébé sur le ventre, dans un kangourou. Elle cria mon nom et s'empressa de venir me donner des baisers sur les joues, comme on le ferait pour une simple connaissance de retour de vacances de loisirs. J'ai vu que le bébé était un métis, quand Trevor s'empressa de la débarrasser du bébé en disant « Allez mon enfant, viens chez papa, je vais aller te mettre au lit, ok, maman est fatiguée. » En entendant ces paroles, ma raison comprenait la réalité que depuis que Trevor m'avait ouvert la porte, mon cœur refusait d'admettre l'évidence. Mon cœur semblait être déchiré en 2, tant je me sentais trahie. Julia s'assit, et toute rouge de confusion, commença, tant bien que mal, à me faire la conversation. Trevor revint, après avoir fait coucher leur enfant. Il dit en enfilant un blouson de cuir, comme il les aime. « Je vais voir les gens du téléphone pour savoir pourquoi ils ne viennent toujours pas rétablir notre ligne. Brian, je ne crois pas être de retour à la maison ici tout de suite, donc au plaisir de te revoir. » Et sache, mon ami, que tu peux revenir nous voir quand tu veux. Je te dois bien ça, n'est-ce pas ? Il s'en alla, et moi je ne répondis rien, tant que je voyais en ce compagnon de lutte la foutaise personnifiée. Seule enfin, Julia se leva et entra dans la cuisine, faisant semblant de préparer le biberon de son enfant. Je l'ai rejointe dans sa petite cuisine, et je lui dis « Julia, tu ne crois pas que j'ai droit à une explication ? » Elle se retourne et me dit « Écoute, Brian, que veux-tu de plus ? Je pensais que tu comprenais déjà qu'il ne fallait pas te mettre mal à l'aise en me posant encore des questions. Je sais que tu es assez intelligent pour comprendre la réalité, non ? » Alors, je lui donne mon avis, en lui disant que j'ai bien compris ce qui se passe et que je veux l'entendre de sa propre bouche, car je peux m'être trompée. Julia me répond que je ne suis pas dans l'erreur, qu'elle vit avec Trevor et qu'ils ont un enfant. Je lui demande si ma famille est au courant, elle me dit que oui. Elle leur a dit de ne rien me dire tant que j'étais au Vietnam pour ne pas me préoccuper et qu'il m'arrive quelque chose. Elle avait décidé avec Trevor de me mettre devant le fait accompli à mon retour. On retourne s'asseoir au salon et elle m'explique tout calmement. Julia m'a appris bien des choses. Je t'assure, Marilyn, que ce sont des choses qui, jusqu'à présent, j'ai du mal à croire. Tiens, par exemple, elle m'a dit qu'elle était sortie avec Trevor bien avant de me connaître et qu'elle avait rompu avec lui simplement car ses parents s'y opposaient, parce que Trevor était noir. Avec la ségrégation, qui, bien que abolie, les lois subsistent encore dans les esprits des uns et des autres, sa relation avec un noir avait été mal appréciée par sa famille. Les parents de Julia étaient farouchement hostiles à sa relation. Elle m'a même raconté qu'un jour, son père a pris son arme. Elle ne sait pas comment, mais il a appris qu'il se voyait en cachette dans une vieille maison. Il est allé les trouver et a menacé Trevor avec son arme, et après, il l'a traînée, elle par ses cheveux, devant la foule dans la rue, en l'injuriant sourdement jusque chez eux. Et là-bas, il l'a tabassée et enfermée des jours. Il a juré de les tuer s'il la surprenait de nouveau avec Trevor. Et elle savait qu'il ne plaisantait pas. Son père est un homme très violent, surtout quand il prend de l'alcool. Elle a alors mis fin à leur relation. Quand elle m'a connue quelque temps, sa sœur et ses amis, elle aussi opposée à sa relation avec un Trevor qu'elle dit sans avenir, l'ont encouragée à sortir avec moi, surtout que j'étais un fils de bonne famille. Elle m'a dit ne m'avoir jamais aimé. Ça m'a fait mal d'entendre cela, mais je crois que c'est mieux pour moi aussi, n'est-ce pas? Julien ne m'aimait pas, mais a accepté de sortir avec moi par dépit. Moi, l'imbécile, j'étais si amoureux d'elle que je n'ai rien vu. Je pensais qu'elle m'aimait aussi. Julia m'a dit qu'en fait, elle s'est servie de moi comme couverture pour pouvoir voir en cachette Trevor sans éveiller les soupçons de son père et de son entourage. Elle mentait très souvent à ses parents, elle allait me voir et partait rencontrer Trevor. Puis quand j'étais au Vietnam et que Trevor est revenu blessé, elle a eu tellement peur de le perdre qu'elle a pris la décision de vivre son amour et tous les deux ont pris la décision de lutter pour leur amour. Elle était majeure, à présent donc libre vis-à-vis de son père de choisir qui elle voulait. Elle voulait avoir le droit d'affirmer ses sentiments pour ce jeune homme, noir soit-il. Trevor a pris cette maison et elle est venue aménager avec lui. Elle était enceinte. Marilyn, je lui ai demandé si dans cette affaire elle a pensé au mal qu'il me faisait. Là, elle m'a dit, « Tu vois, Trevor m'a dit que c'est toi qui l'as sauvé au Vietnam et que là-bas vous étiez devenus les meilleurs amis et qu'il s'en voulait de te faire du mal parce qu'il savait que tu étais amoureux de moi. La preuve, tu lui parlais tout le temps de moi. Parce que tu ignorais qu'il y avait eu quelque chose entre nous. Mais lui aussi, il m'aime et il devait opérer un choix. Ou bien être heureux avec moi et te faire du mal, et devenir un Judas à tes yeux et aux yeux de tous, ou alors me laisser me marier avec toi et être malheureux toute sa vie. Il a fait le meilleur choix pour lui. Tu sais, il dit que tu ne vas pas lui en vouloir toute ta vie parce qu'au Vietnam, il a eu une conversation avec toi. Et c'est ton conseil qu'il a choisi de suivre. Il dit qu'il t'a parlé sans invoquer d'une fille blanche qu'il aime et que les parents l'empêchent d'aimer parce qu'il est noir, et maintenant elle est la fiancée de son ami blanc. Tu t'en souviens? Eh oui, je m'en souvenais. Trevor se confiait rarement, mais un jour, quelque temps avant sa blessure, étrangement, il m'avait raconté cette histoire et avait refusé de me dire le nom de la fille en question. Trevor m'avait dit qu'il aimait cette fille et elle aussi. D'ailleurs, elle avait écrit une fois selon lui. Je vais te dire exactement ce que j'ai dit à mon ami Trevor ce jour-là. Je lui ai dit qu'à mon avis, il ne rendrait pas service à son ami en le laissant se marier avec une fille qui ne l'aime pas et qui l'aime, lui, l'ami. Lorsqu'on en aime un autre, son foyer ne réussit pas. Dans ce cas-là, il vaut mieux la reprendre à son pote et le voir souffrir quelque temps. Il va s'en remettre tôt ou tard. Et puis, ça va lui donner la chance de rencontrer une fille qu'il aime aussi et qu'il va finir par aimer. Ce jour-là, Trevor m'a remercié et m'a dit que dès son retour en Amérique, il allait suivre mon conseil. Marilyn, je t'assure que je me sens comme deux fois trahie de savoir qu'il m'a pris au piège et que mes paroles me sont retournées à la face. En ce moment où je t'écris, je te jure que tout le bonheur que j'ai ressenti à ma descente d'avion, lorsque j'ai foulé à nouveau le sol des USA, s'est envolé pour laisser place à une douleur si atroce qu'à côté d'elle, mon calvaire au Vietnam ne représente rien. Je tiens à te remercier, car me confier à toi, tu ne peux pas savoir comment ça me soulage. À bientôt, et merci de m'avoir égayé durant cette guerre, et surtout d'avoir été tout le temps à mes côtés, en pensée et en esprit. Lettre de Brian à son ami Jack Hilton, 5 mois après son arrivée aux États-Unis. Jack, je suis content que tu aies pris la peine de m'adresser une lettre depuis notre retour du Vietnam. Et comme tu m'as demandé dans ma lettre des nouvelles de ma Viet Cong, alors je vais te raconter la suite de notre histoire, qui semble t'intéresser tant tu es moqueur, n'est-ce pas? À mon retour du Vietnam, je me suis rendue, sans prévenir, 7 semaines plus tard dans l'Oregon, pour rencontrer Marilyn. Quand je suis arrivée à l'adresse indiquée, devant la porte des McQueen, j'ai eu les mains moites à l'idée de rencontrer enfin Marilyn. J'ai frappé à la porte, et quelques instants après, c'est une femme, de race jaune, sa mère, je suppose, qui m'ouvre. Elle me regarde et semble attendre que je lui dise quelque chose. Alors je lui dis bonjour, elle me répond. Je lui dis je veux voir Marilyn, elle me laisse entrer, referme la porte et me demande de m'asseoir. Elle monte à moitié les escaliers qui conduisent aux chambres, sans doute, et crie à sa fille qu'elle a de la visite. Pour la première fois, j'entends la voix de celle qui, durant des mois, m'a bercée de ses lettres. La petite voix, toute teintée, lui répond qu'elle est au téléphone avec une certaine Tricia. Ma mère me dit avant de pénétrer dans la cuisine que mon amie descendra à l'instant, avec un accent fort asiatique. Je suis assis à observer la décoration, mi-américaine, mi-asiatique, de la maison, qui rendait l'endroit un peu mystérieux. Quand je la vois, la bonne dame, ressortir de la cuisine, avec un bol d'une bouillie de riz tout chaud, qu'elle pose devant moi sur une grande table, et me demande de manger, en me tendant une petite cuillère. Et elle ajoute, avant de repartir, que cela va me faire du bien, parce que j'avais l'air un peu maigre et déshydraté. Je souris en pensant à ce que sa fille m'avait dit au sujet de ce bol de riz qui avait conquis le cœur de son père en Corée. Quand j'ai goûté à cette bouillie, j'ai compris pourquoi. Elle était si bonne et sentait si bon que ce n'était pas que je n'étais pas l'étranger. J'allais la finir rapidement, dès qu'elle aurait tiédi. Je souffle chaque cuillerée et la mange doucement quand Marilyn apparaît. Elle me regarde fixement et vient me tendre la main en me murmurant un salut hésitant. Elle est étonnée que je veuille la voir, alors qu'il lui semble ne pas m'avoir déjà vue. C'est une réaction normale, parce que je ne lui ai finalement pas envoyé de photos de moi durant tout ce temps. Moi, j'avoue que le portrait du visage qu'elle m'a envoyé d'elle au Vietnam, je ne l'ai pas imaginé de grande taille. Pourtant, elle est très grande, environ 1m75. À la différence de sa mère, qui est de la taille de la plupart des gens de cette région de l'Asie, Marilyn est grande et porte maintenant des cheveux très longs, alors qu'elle portait une coupe au carré, courte sur la photo. Elle était nettement plus belle sur la photo, je l'avoue. Cependant, elle a le même regard. Ses yeux qui montent dans des moments difficiles réconfortés. Elle s'assied et me dit en souriant qu'elle constate que sa mère, toujours fidèle à ses habitudes, n'a pas oublié de m'offrir un bol de riz chaud. Elle me dit que c'est ainsi pour quiconque franchit le seuil de cette maison. Je lui réponds qu'elle a raison parce que c'est délicieux. Elle repart dans la cuisine et revient avec un sourire forcé aux lèvres et j'imagine qu'elle est partie dire à sa mère qu'elle ignore vraiment où nous nous connaissons. Au même moment, un géant monsieur très brun d'un certain âge fait son entrée dans le salon par une porte qui donne sur un jardin à l'arrière-cour. Son pantalon est sale. Je conclus qu'il s'agit de monsieur McQueen et qu'il est en train de faire du jardinage. Il me serre la main en me disant à ma grande surprise « Salut mon soldat, je suis content que vous soyez revenu de ce trou de merdier. C'est toujours bien de voir de bons soldats dans la maison. C'est un honneur et on dit que ça porte bonheur aussi. » Je vois sa fille me regarder avec des yeux ronds, tandis qu'elle me demande si c'est moi, Brian Cold. Quand je lui dis oui, elle hurle et se jette sur moi, toute contente. Je la serre fort dans mes bras. Son père et sa mère, que son cri a fait se précipiter hors de la cuisine, nous regardent. La jeune fille me relâche, écrit à sa maman que je suis Brian, le soldat, son correspondant, et que je suis revenu vivant. Sa mère, émue, vient me serrer la main et me dit des mots de bienvenue avant de repartir dans sa cuisine, tandis que sa fille et moi, on s'installait pour parler. Quand son père, après une bonne douche, nous rejoint, sa fille lui demande comment il a su que j'étais un soldat. Il dit qu'un ancien soldat comme lui reconnaît toujours la tête d'un soldat revenu récemment de la guerre. J'ai passé un bon après-midi, et lorsque j'ai dit que j'allais passer ma nuit à l'hôtel, Madame McQueen m'a proposé de passer la nuit chez eux. Elle m'a préparé leur jolie chambre d'amis où j'ai passé la nuit, après être allée, en compagnie de Marilyn toute coquette, visiter la ville. Avant, nous sommes allés au cinéma. Et pas de chance, nous avons assisté à un film que je juge très nul. Mais bon, la présence de ma compagne m'était agréable. Elle me plaisait et j'avais déjà du mal à imaginer devoir me séparer d'elle. Déjà au Vietnam, j'avais du mal à me séparer de sa photo. Nous sommes rentrés tard. Et très sagement, nous sommes allés au lit, chacun de notre côté, même si je sais qu'elle avait comme moi envie qu'on passe la nuit ensemble. Le lendemain, après le petit déjeuner, j'ai fait mes adieux à la charmante famille, McQueen, et je me suis rendue à la gare de train pour reprendre la route. Marilyn m'a accompagnée à la gare. C'est lorsqu'on attend mon train qu'elle ose enfin, je dirais, me demander comment je compte faire en ce qui concerne ma vie sentimentale, après mon histoire malheureuse avec Julia. Alors je lui dis que si je me suis déplacée jusque chez elle, c'est pour avoir la réponse à cette question. parce que c'est par rapport à ce qu'elle, Marilyn, allait me dire que je verrai pour le futur. Elle m'a demandé surprise pourquoi. Je lui ai demandé tout de go, si elle avait, elle, une histoire avec quelqu'un. Timide, tout d'un coup, elle détourne son regard. Elle me répond qu'elle n'a personne en particulier. Je saisis la perche qu'elle me tendait, sans le savoir à cet instant-là, je lui dis. Écoute, le train sera là d'un moment à l'autre, alors je veux te dire ce que j'ai à te dire avant son arrivée. Si je suis venue de si loin, c'est en réalité pour vérifier un fait, afin de savoir véritablement ce qu'il en est de mes sentiments. Venir ici pour savoir ce que je vais ressentir en ta présence. Et je sais à présent que j'ai du mal à te quitter, crois-moi. La vérité, Marilyn, c'est que je t'adore. Je suis petit à petit, sans m'en rendre compte, devenue très attachée à ta personne, en regardant fréquemment ta photo et en lisant tes lettres. J'ai eu peur hier de te le dire, car j'ai craint que tu me dises que tu avais déjà quelqu'un. Que tu me dises que tu veux qu'on en reste à l'amitié. Tu sais, je suis si malheureuse ces temps-ci que je crains une autre déception. Je me suis tue, et j'ai attendu, inquiet, qu'elle me dise quelque chose. Mais rien. Elle se contentait de me regarder vaguement. Déterminée, je lui ai touché une mèche de cheveux, et elle m'a fait le plus beau sourire du monde, tandis qu'on a annoncé dans le haut-parleur que les voyageurs devaient monter à bord du train. J'ai relâché ses cheveux, et je me suis levée, très déçue par son silence, en accrochant mon sac pour le départ. Tout à coup, elle m'a dit « Brian, c'est fou, mais je ne veux pas que tu partes maintenant. Revends ton billet et repartons à la maison. Tu pourras repartir dans quelques jours, hein ?» Elle n'a pas eu besoin de le dire deux fois. Nous sommes repartis chez elle. Sa mère était surprise, mais tout de même contente. J'ai passé 8 jours supplémentaires à être avec la meilleure de toutes les Marilyn, à déguster de la réchauffante bouillie de riz de Madame McQueen, à faire du bricolage avec Monsieur McQueen et à parler de sport et surtout de l'armée. Je suis repartie dans mon Michigan natal, cette fois fiancée presque à ma Marilyn. N'est-ce pas un conte de fées, ça? Je remercie un peu quand même le Vietnam, car sans lui, je n'aurais sans doute pas connu Marilyn. Je sais que je serais passée à côté de l'essentiel, à côté du bonheur d'aimer et d'être aimée. J'ai repris mes études de médecine, car mon père compte sur moi pour reprendre sa clinique après sa retraite. Je suis content que tu aies décidé d'entrer dans la police. J'espère qu'on se reverra bientôt. À nous revoir, chers compagnons de lutte. À mon retour du Vietnam, quatrième histoire. Les embrouilles entre les sœurs Cook. Nous avons sélectionné pour vous quelques lettres appartenant à Rosa Oyinka, courrier que lui adressait sa correspondante de la Nouvelle-Zélande entre 1996 et 2000. Ainsi, le 23 octobre de l'année 1996, Mathilda Cook lui écrivit sa toute première lettre. Salut! Mon nom à moi, c'est Mathilda Karen Cook. Je ne sais pas si je suis une descendante du célèbre navigateur James Cook, mais toujours est-il que je suis une Néo-Zélandaise de 20 ans. J'ai eu ton adresse postale grâce à une agence de correspondance. J'aime avoir des amis sous d'autres cieux. Ton pays, le Nigeria, est un pays sur lequel je ne sais pas grand-chose, je te l'avoue. Je sais que grâce à toi, je serai plus qu'une Africaine. Tu sais quoi? J'adore le continent africain. Je serai un jour très contente de visiter, bien entendu, ton pays, mais aussi le Kenya, avec ses magnifiques animaux sauvages. Ce qui a guidé mon choix, c'est ton prénom. Ma frangine aussi s'appelle Rosa, Rosa Elizabeth Cook, et je l'aime particulièrement. Je souhaite que tu deviennes la seconde rose de ma vie, que je puisse partager mes joies et mes peines avec toi, réciproquement. Si tu désires en savoir plus sur ma vie, sache d'abord que je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. J'ai, en plus de Rosa, un petit frère d'à peine 9 ans, qui se prénomme Blaise Pascal, comme le philosophe, quoi. Je vis dans une petite ville portuaire de l'est du pays, et notre père possède un petit bateau de pêche qui est notre gagne-pain. Notre mère est sans profession, elle s'occupe de nous, tout simplement. Notre père est un costaud blond, et ma sœur est son portrait craché. Elle est très belle, pareil à une vraie rose, je dirais. J'ai mis, comme tu le vois, une photo de moi dans l'enveloppe pour que tu puisses me voir. Je souhaite que toi aussi tu m'envoies ta photo, ok? En tout cas, je tiens d'avance à te prévenir que j'adore écrire. J'adore tellement écrire que des fois en me lisant, tu auras l'impression de lire non pas une lettre, mais un vrai petit roman. Au revoir. J'espère en tout cas que notre amitié durera longtemps, longtemps. À bientôt, Mathilda. Le 27 février 1997, elle écrivit. Bonjour, Rosa Oyenka. Amie, c'est avec un cœur bourré de joie que je t'écris en ce beau matin d'été. Devine quoi? J'ai rencontré un garçon et il est craquant. C'est le plus beau mec que je n'ai jamais vu. Il s'appelle Harry Mozoni. Il vient d'arriver dans notre ville et il est dans ma classe d'histoire à la faculté. Il est mignon comme un dieu grec. Sans doute qu'un jour je vais t'envoyer sa photo et tu vas en juger par toi-même. Rosa, je pressens déjà que je vais avoir une belle histoire d'amour dans cette classe d'histoire cette année. Ce garçon a, je te le jure, les plus beaux yeux gris de toute la planète. C'est l'homme de ma vie. Je le sens depuis la première fois que nos regards se sont croisés. Il m'a déjà invité 2 fois au cinéma et c'est un délice pour moi d'être à ses côtés. Je compte cette semaine le présenter à ma petite sœur. Si elle le trouve bien, alors je vais en faire de même pour mes parents. Bien sûr, il ne m'a pas fait d'aveu, mais il n'a pas besoin de le faire, je sais qu'il m'aime bien. Sinon, pourquoi inviterait-il, moi, l'une des moins jolies de l'école? Et toi, as-tu quelqu'un dans ta vie? Eh oui, parle-moi de lui, j'attends ta lettre. Pour terminer cette petite note, je tiens à te dire que tu es énormément en notre amitié. Oui, je souhaite que notre correspondance dure longtemps. Arrivederci, ça veut dire au revoir en italien. C'est Harry qui me l'a dit. Ok Rosa, je t'embrasse. Mathilda, ton amie si loin et si proche à la fois. Le 2 mai 1997, elle écrivit. Coucou Rosa, sois contente pour moi, sais-tu pourquoi? Eh bien, parce que j'ai passé le plus beau week-end de toute ma vie. Nous avons à la fac organisé un pique-nique. Là-bas, j'ai passé la nuit sous la même tente que mon amoureux. Harry, parce que c'est de lui qu'il s'agit, m'a avoué m'aimer. Il ne s'est rien passé entre nous. Nous avons sagement dormi ensemble, mais j'avoue que je suis disposée à aller jusqu'au bout avec ce mec s'il me le demande, parce que je suis folle de lui. Bon, disons que je suis un peu déçue parce qu'il ne m'a donné qu'un léger baiser sur les lèvres pour me dire adieu quand on se séparait le lendemain. Je crois que je n'aurais pas regretté s'il m'avait réclamé plus que ça. Je l'aime et je me sens vivre en sa présence. Je sais d'avance qu'avec un autre, je ne ressentirai pas ce bonheur. Je l'ai invité demain soir à la maison pour qu'il fasse la connaissance de ma famille. En fait, il connaît déjà ma sœur, que je lui ai présentée à l'école la semaine dernière, et il l'a trouvée très jolie. Pour ça, il ne m'apprend rien, elle l'est effectivement. Je suis fière chaque fois qu'on le dit. Rosa Cook, ma frangine, a la beauté, l'élégance, la prestance et l'allure d'une princesse. Parfois, je m'amuse à dire à mes amis que s'il existait un royaume ici en Nouvelle-Zélande, c'est ma sœur qui en serait princesse. Ma sœur trouve que Harry non plus n'est pas mal. Hier, par exemple, elle m'a dit qu'en plus d'être un beau mec, il est super cool, car depuis que je les ai présentés, il est sympa avec elle quand ils se rencontrent par hasard en ville, et surtout à la plage, où d'ailleurs elle va régulièrement depuis bientôt un mois pour des cours de surf. Rosa n'est pas très enthousiaste à l'idée que je lui dise être prête à aller jusqu'au bout avec Harry s'il me le propose. Elle trouve que je suis en train d'aller un peu vite en besogne. Selon ses dires, hier, je risque de me retrouver trop tard devant les conséquences de mes actes, avec par exemple une MST ou une grossesse. Ce que Rosa ignore, c'est que moi je me fiche de contracter une MST, ou encore moins de tomber enceinte, je l'aime trop pour penser à ces choses, qui n'arrivent quand même pas à tout le monde tout le temps, non? Et puis, j'ai foi qu'un garçon comme lui, ça ne fait aucun mal, bien au contraire. Bon, assez parlé de moi. Et toi, ton soi-disant fiancé dont tu m'as parlé dans ta dernière lettre? C'est mon avis, mais tu devrais te chercher quelqu'un que tu aimes. Tu avoues ne pas du tout le supporter. Alors quoi? Pour quelle raison on exige un mari comme ça à sa fille? Ce n'est pas normal toutes ces pratiques préhistoriques, Rosa. Il ne faut pas laisser ton père décider à ta place. Cela ne doit pas se faire. Bon sang, tu es une fille instruite, et ce n'est pas normal de te laisser faire. C'est injuste que tu le laisses ainsi t'imposer un époux. Non, ne le laisse pas faire. Ton père soit-il, il n'en a pas le droit. On est au XXe siècle, bon sang, pas au Moyen-Âge, mon ami. C'est de ta vie qu'il s'agit avant tout. Et puis, crois-moi, autant c'est bon quand on le fait avec un homme qu'on aime, autant c'est dégoûtant avec un autre pour qui on ne ressent rien. C'est ta vie, ta seule et unique vie dont il est question. Donc bats-toi, ne laisse pas ces gens-là te la gâcher. On ne vit pas 2 fois, alors cherche ton bonheur dans ta vie et fiche-toi pas mal du reste. Pense-y, ok? À très bientôt, ma chère amie. Mathilda Karen dans l'autre hémisphère. Le 12 août 1997, elle écrivit. Rosa, je souffre, j'ai mal au cœur, mon petit ami ne veut plus de moi. Je ne sais pas ce que j'ai pu lui faire, mais il ne veut plus entendre parler de moi. Cela fait un bon moment qu'il refuse de me parler. J'ai presque pleuré toutes les larmes de mon corps de désespoir. Ce que je voudrais, c'est qu'il m'explique, qu'il me dise la raison pour laquelle il se comporte ainsi, alors que tout allait si bien entre nous. J'en ai parlé, bien entendu, à ma frangine. Elle me conseille par expérience, selon elle, de laisser tomber, c'est-à-dire de faire une croix sur cette histoire, car, à son avis, s'il me traite ainsi, c'est qu'il ne m'aime sans doute pas, qu'il en aime une autre sur moi. Moi aussi, je devrais lui prouver qu'il y a d'autres garçons à part lui qui veulent du bien de moi. Mais je peux pas. Harry Mozoni représente tout pour moi. Et grave, je suis incapable de l'oublier. Je ne vois que lui sur terre. Je l'aime si fort que sans lui, ma vie me semble en morceaux. À la seule idée qu'il ait rencontré une autre, je meurs de jalousie. J'ai si mal, si tu savais. C'est très dur pour moi en ce moment. Mathilda, ton amie. Le 21 août 1997, elle écrivit. Salut à toi, Rosa Oyinka. C'est con que je t'écrive aujourd'hui, alors que j'ai conscience que tu n'as peut-être pas encore reçu mon dernier courrier. Toutefois, j'ai si mal que j'ai besoin de confier ce que je ressens en ce moment à quelqu'un, et la personne tout indiquée pour moi, c'est toi. J'ignore, vois-tu, ce qui m'arrive. C'est vraiment affreux ce que ces gens-là me font. Figure-toi que la fille à cause de laquelle Philippe m'a rejetée comme une canette vide de bière n'est autre que Rosa, ma propre sœur. Tu as bien lu, c'est Rosa, la nouvelle petite amie de Harry. Elle a le culot de s'afficher avec lui au vu des gens. Je les ai vus ensemble pour la première fois hier après-midi sur le Zodiac que le père de Harry lui a offert pour son anniversaire le mois passé. Ils étaient enlacés, riants, en vrais amoureux. Il n'y avait aucun doute, ils sortent ensemble. En les surprenant ainsi, j'ai bien cru que mon pauvre cœur allait s'arrêter de battre. J'ai ressenti une sorte de brûlure. J'ai cru m'évanouir quand, sans me voir parmi la foule présente sur la place, ils se sont embrassés. Scandalisée et folle de rage, je me suis enfuie sans qu'ils me voient. Je me suis retournée précipitamment chez nous pour attendre ma Judas de sœur de pied ferme, quand ma mère a constaté ma mine, questionnée, soupçonneuse comme toujours. Alors je lui ai dit « En fait, je veux te rapporter notre dialogue pour que tu saisisses exactement ce qui se passe ici. » J'ai donc dit à maman « Maman, ta fille Rosa est une petite voleuse !» Elle me demande en fronçant ses sourcils « Que t'a-t-elle pris cette fois ?» Notre maman pensait à un vêtement ou à un accessoire, comme d'habitude. Alors je lui dis « Elle m'a pris mon cœur, maman. Elle m'a piqué sans gêne, mon petit ami. » Notre mère me regarde mal à l'aise, visiblement, mais étrangement, je constate qu'elle ne semble ni choquée ni surprise. Je poursuis quand même en lui disant « C'est avec elle que Harry Mozoni sort à présent. Or, c'est mon mec et elle a tout fait pour me le voler. » Ma mère fait un geste là de la main et me jette à la face. « Je ne savais pas que tu sortais avec ce garçon, Mathilda. Tu nous l'as bien présenté comme ton camarade de classe le jour où tu l'as invité chez nous, n'est-ce pas ? Alors, quelle est cette histoire-là ? C'est défendu que ta sœur sorte avec tes amis de classe ?» J'avais tout compris. Notre mère prenait parti pour sa fille adorée, oui, sa princesse de fille. Elle était sans doute au courant de leur liaison depuis le début. Elle sait pertinemment le type de relation qui me liait en son temps à Harry. D'ailleurs, comment pourrait-elle le nier ? Alors qu'un jour, j'avais passé presque toute la nuit dehors, elle m'avait interrogé et je lui avais avoué être allée en boîte avec Harry. Elle m'avait alors dit de faire attention pour ne pas me faire grossir par un garçon comme Harry qui vit encore sous la coupole familiale. Et je me souviens, je lui avais dit de ne pas s'en faire, il s'était rien passé, on était juste allés à l'anniversaire d'une amie de fac, c'était la vérité. D'ailleurs, aujourd'hui, mes rapports avec Harry sont limités à quelques rares bisous platoniques, selon sa décision, puisque moi j'aurais voulu plus. C'est pour te dire que ma mère est une hypocrite, en plus elle me prend pour une idiote. Elle feint d'ignorer ce que ce jeune homme est mon petit ami, pour bien entendu justifier le comportement de sa préférée. Elle se met de son côté pour ne pas la contrarier, et en le faisant, elle se fiche de ce que moi je ressens. J'ai préféré ne pas me disputer avec elle, alors je suis montée dans la chambre de ma sœur pour l'attendre. À son arrivée, lorsque je l'ai accusée furieusement de m'avoir piqué mon mec, elle m'a jeté tout bonnement la figure. Je ne vais pas te faire le plaisir, comme tu te l'imagines, de nier ma relation avec Harry, puisque je te l'apprends, je suis bientôt avec lui depuis 2 mois. Et puis d'ailleurs, entre lui et toi, c'est fini depuis un bon moment. Ce n'est pas parce qu'il est soi-disant sorti avec mademoiselle, sérieuse, sérieuse, qu'il n'a pas le droit de fréquenter d'autres filles. Choquée, je m'emporte, elle, je lui crie. D'autres filles, mais pas toi, ma sœur. Tu le sais pourtant, non? Tu es vraiment une fille sans aucune vergogne, on dirait. Bon sang, qu'est-ce que je te déteste, Rosa? Rosa me répond, effrontée comme toujours. Tu sais quoi, ma très chère sœur? Si ton mec t'a plaqué pour se mettre avec moi, c'est naturellement parce que tu fais pas le poids. Harry dit qu'il m'a aimé dès qu'il m'a vu. Et c'est la même chose aussi de mon côté. Nous avons eu le coup de foudre l'un pour l'autre. Alors écoute, le seul petit conseil de frangine que je peux te donner aujourd'hui, c'est d'arrêter de me faire ta crise d'hystérie. Et s'il te plaît, je te le dis bien, s'il te plaît, laisse-nous vivre notre amour. Colle-nous aussi la paix pendant que nous y sommes. Je lui dis, furieuse, c'est immoral ce que tu me fais. Je suis ta sœur, oui ou non ? À elle de me répondre avec sa légendaire assurance, pleine de vanité. En amour, il n'y a pas de sœur. Il n'y a pas non plus de place pour la morale. L'amour est, comme on le dit, un sentiment égoïste. Et à présent, je sais par mon expérience que c'est vrai. Lorsque le véritable amour s'installe, il ne laisse pas assez de place dans son cœur pour la morale. Son cœur devient même trop minuscule pour contenir tout l'amour qu'il ressent. Je veux dire, quand on l'aime comme j'aime Harry, il ne faut pas se poser des questions comme quoi, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Il faut foncer et le vivre, tout simplement. Alors je vous en prie, mademoiselle Cook number one, ne me parlez ni de sœur, ni de moralité. J'en ai rien que faire, j'en ai rien à foutre. Et là, je t'assure que je pèse bien mes mots. Sans me laisser le temps d'ouvrir la bouche, elle a claqué la porte de sa chambre, elle m'y a laissé toute seule, abasourdie. Et tu ne connais pas la meilleure. C'est lorsque je suis allée trouver ce maudit Harry pour lui cracher ce que je pensais de sa personne. Tu sais ce que fils de Satan a eu le culot de me dire pour se justifier? Il m'a dit, écoute, Mathilda, je ne sais pas comment te le faire comprendre, mais sache du moins que ça a été plus fort que moi. Lorsque je l'ai connu, je me suis rendu compte que toi et moi, ce n'était qu'une histoire banale. Alors qu'avec ta sœur, c'est de l'amour que j'éprouve. Avec elle, je sais ce que c'est que d'être vraiment amoureux. Tu es en colère après Rosa, et moi, parce qu'on a été proches. Mais tu dois comprendre que c'est plus fort que moi, ta sœur que j'aime. J'ai conscience qu'aux yeux de mon entourage, cela semble mal. Cependant, c'est le destin. Ou bien peut-être que c'est le fait que, depuis toujours, j'ai étrangement de l'attirance pour ce qui m'est défendu, mon... Je lui ai coupé net la parole, en lui disant avant de le laisser planter là. Tu devrais plutôt coucher avec tes trois sœurs, parce que elles te sont encore plus défendues que la mienne. Tu es malade de me dire ça, oui? Tu me fais pitié. Ma lettre est déjà excessivement longue, donc je vais te laisser. Prie pour moi, car je suis au bord de la crise de nerfs. En tout cas, j'espère seulement que la vie, c'est ce qu'elle fait. Ton amie, Mathilda. Le 26 octobre 1997, elle écrivit. Salut Rosa. Cela faisait des semaines que je n'adressais ni la parole ni à ma sœur ni à ma mère. Maman me disait qu'elle allait toujours continuer de me parler, que je le veuille ou non, parce qu'elle reste ma mère. Elle ne voyait pas en quoi elle était concernée par cette histoire de Mozoni, pour reprendre ses propres termes. Elle essayait de me réconcilier avec ma sœur, mais je n'étais pas prête. D'ailleurs, ma frangine elle-même n'était pas intéressée par ma colère. Elle est plutôt accaparée par sa liaison avec son prince charmant, avec lequel j'étais aussi en froid total. Il y a de cela une semaine, ma mère m'a rapporté que tante Elisabeth, sa meilleure amie, désirait que je passe la voir. J'y suis allée, croyant qu'elle voulait que je l'aide pour son jardin, comme de coutume. Mais une fois là-bas, j'ai compris que ma mère lui avait parlé de ce qui n'allait pas chez nous. Ma mère lui avait raconté sa version des faits, comme il est évident, en donnant pratiquement raison à sa manipulatrice de fille. Je me suis chargée très vite de rétablir la vérité. La dame était choquée, mais elle s'est abstenue de faire des commentaires. Disons qu'elle n'a pas voulu faire des commentaires. Seulement elle m'a dit « Laisse tomber toute ta rage et toute ta rancune, elles sont ta famille. N'est-ce pas qu'une famille reste une famille? Et quelle que soit la douleur qu'elle peut nous causer, notre famille restera à vie notre seule famille. Alors, ma fille, oublie le mal qu'on t'a fait et pardonne tout. Pardonne tout et tu vas voir que Dieu va te donner le bonheur et te permettre de passer ta vie avec un homme parfait, mieux que cette espèce de diviseur de famille. Pardonne tout et tu verras les grâces que tu vas recevoir. Tu seras plus heureuse dans ta vie que ta sœur, je le sais, et crois-moi sur parole, c'est cela qui compte. Réconcilie-toi avec eux, tous, et le ciel va te montrer ce qu'il a prévu réellement pour toi. » Quand je suis rentrée chez nous, j'ai mis ma fierté de côté et j'ai fait ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que j'ai arrêté de bouder maman, je parle avec ma sœur et quand je rencontre Harry, je le salue. Avant-hier, il a eu enfin le courage de venir voir ma sœur à la maison. J'essaye, ou disons, je fais des efforts, pour avoir des relations normales avec eux. Ce n'est pas facile, mais que veux-tu? On dit souvent qu'il faut écouter les conseils des bons amis de nos parents. Ce matin, par exemple, ma sœur m'a offert un très beau pull. Tout compte fait, je suis contente que notre famille soit de nouveau en bonne entente. La vérité, c'est que je ne peux pas dire qu'en voyant ensemble Rosa et Harry, je ne ressens plus de la jalousie, mais je ne le montre pas. Je m'efforce de me comporter avec eux comme si de rien n'était, même si mon cœur se serre dans ma poitrine, parce que, comme tu peux l'imaginer, je suis toujours éprise de Harry. Chaque fois que je le vois, mon cœur s'arrête de battre. Cependant, j'ai foi que tout va rentrer dans l'ordre un jour avec le temps. Il le faut, sinon je risque de faire une dépression, mon beau jour. À très bientôt, Mathilda. Le 7 juin 1998, elle écrivit « Très cher ami, c'est avec beaucoup de peine que j'ai lu ton dernier courrier. Je suis sincèrement désolée pour ta maman. Je te souhaite assez de courage dans cette épreuve. Moi, par exemple, Je me demande si je pourrais me consoler si je perdais la mienne. Je l'aime tellement, et ça quoi qu'elle me fasse. La perte d'un parent est très douloureuse, mais faisant partie de la vie, il faut l'accepter. Je pense que tu dois prendre sur toi ta souffrance. Il faudrait surtout faire confiance au temps qui seul versera sur toi l'oubli positif. Sur ce, je vais tout de même te donner des nouvelles de la Nouvelle-Zélande. Je t'apprends que ma sœur et Harry se sont mariés en mars. Un mariage grandiose, puisque les parents de Harry sont riches. La dernière fois qu'elle est venue à la maison, j'ai eu l'impression qu'elle était enceinte, mais elle n'a pas parlé, donc je n'ai rien dit. J'ai fait un voyage vers le sud du pays, quelque temps après le mariage, pour me reposer un peu, tant les préparatifs du mariage ont été accablants. J'ai emprunté le train pour mon retour. Dans le train, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui s'appelait Ryan. J'étais assise, perdue dans mes pensées, quand il a quitté sa place pour venir occuper mon siège voisin qui s'était libéré. Naturellement, nous avons sympathisé. Et comme il habite la même ville que moi, depuis cette rencontre, nous nous voyons très souvent, trop souvent même à mon goût. Il dit que ses sentiments pour moi ont évolué pour dépasser le cap de la simple amitié. Il est très épris de moi. Ryan est un gentil garçon. C'est vrai, il n'est pas aussi beau que Harry. D'ailleurs, j'ai entrepris mon voyage pour essayer de noyer mon chagrin. Je suis revenue de ce voyage plus peinée que je ne l'étais. Je l'aime encore. J'y peux rien. Mais Dieu seul sait combien j'essaye. Je me demande encore des fois pourquoi il me disait qu'il m'aimait en son temps, alors qu'il n'était tout de même pas obligé de me le dire s'il ne le ressentait pas. Ou bien... Ma mère et mes amis m'encouragent à me mettre avec Ryan, mon nouvel ami. Mais il n'en est pas question. Au revoir. Écris-moi, ok? Mathilda, ton amie qui est de tout cœur avec toi. Le 19 octobre 1998, Mathilda écrivit. « Salut, je n'ai pas reçu réponse à mon dernier courrier, mais je t'en veux pas, je te comprends. Je prends la liberté de t'écrire parce que je pense à toi et j'ai beaucoup de choses à te dire. Je vais t'informer des derniers événements en date chez nous. Il y a quelques jours, mon père m'a rejointe dans ma chambre, il m'a reproché ma solitude. Je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, je n'ai pas pu retenir. Je lui ai tout raconté au sujet d'Harry, de ma mère, de Rosa. Il en était tout indigné quand il me quittait. J'entendais se disputer sourdement avec ma mère. Pour la première fois, je l'ai entendu dire à mon père que dès le départ, elle avait mis en garde Rosa de ne pas s'aviser de répondre aux avances d'Harry parce qu'il sortait avec moi et qu'elle ne l'avait pas écouté. Parce que, disait-elle, Rosa lui avait dit être très maso, très amoureuse de Harry. Et malgré sa mise en garde, Rosa n'en avait fait qu'à sa tête, comme toujours. Ma mère, en essayant de se défendre face à la fureur de papa, a avoué ce qu'elle m'avait caché puisqu'elle m'a dit que Harry était pour moi qu'un simple camarade de classe et qu'elle ne voyait pas en quoi c'était mauvais que ma sœur et lui soient ensemble. Papa lui a reproché, en l'accusant de mentir, d'avoir été tout simplement partisane dans cette affaire. Tout le matin, c'est lui qui est venu me réveiller. Il s'est assis auprès de moi et il m'a dit « Je te demande pardon. Je comprends ta souffrance et ta colère. Mais il te faut tout oublier. Mais bon sang, ma fille, comment arrives-tu à endurer ça toute seule? Personne n'a la force pour supporter seul un tel fardeau. Il est trop lourd, beaucoup trop. Je suis fière de toi, parce que tu l'as supporté en silence, sans faire de tapage, et sans traîner de nom dans la boue. Et Dieu sait le scandale que cela aurait fait dans notre petite ville. Je crois que je suis un mauvais père. Je suis si préoccupée par mon travail que je n'ai rien remarqué d'anormal dans vos relations ici. Sinon, crois-moi, j'aurais eu mon mot à dire. Pourquoi ne t'es-tu pas confié plutôt à moi, hein? Écoute-moi. Je vais te dire de tourner la page. Tu sais, ce jeune homme qui vient te voir ici et que tu téléphones souvent, comment s'appelle-t-il déjà? MacGregor. Ryan, oui, c'est ça. Il est passé me voir hier sur le bateau. C'est pour cela, en fait, que hier je suis venue dans cette chambre, pour que toi et moi nous ayons une conversation d'adulte. Ce MacGregor m'a dit que j'ai une fille merveilleuse. Pour cela, il ne m'apprend rien, je le sais, et mieux que lui d'ailleurs. Il m'a ensuite dit qu'il t'aime. Mathilda, je crois qu'il dit la vérité. Il n'a pas l'air d'un mauvais garçon. Il faut que tu réagisses, vois-tu. Tu dois absolument enlever ce mozoni de ta pensée. Il n'en vaut d'ailleurs pas la peine. Il ne te mérite même pas. Ce n'est pas parce que Rosa n'est pas là, mais laisse-moi te dire que votre mozoni, là, il n'a pas bon goût. Sinon, il te préférait à ta sœur. Tu vois, ma fille, si je n'étais pas votre père et que j'étais un beau jeune homme, je ne tomberais sûrement jamais amoureux de Rosa. Mais de toi, là, oui, j'en suis certain. Ta sœur est trop manipulatrice, à mon avis. Ou bien peut-être que ce mozoni aime les femmes de cette espèce-là, alors que moi, je m'amuse à les appeler de la petite espèce. Mathilda, je t'en prie, oublie-le. Un jour, tu verras, il regrettera son choix. Et ce jour-là, il se maudira de t'avoir fait souffrir. En tout cas, je suggère que tu oublies cet épisode de ta vie. Ta vie se poursuit, et elle va être une réussite si tu acceptes l'amour du jeune docteur MacGregor. Elle va être parfaite si tu sais faire les bons choix. L'un des meilleurs choix, c'est d'accepter l'amour de ce jeune homme qui t'aime et est prêt, selon ses propres termes, à attendre le temps qu'il faut pour que tu te décides à lui faire une petite place dans ton cœur. Ne le repousse pas comme tu le fais, mais plutôt apprends à l'aimer. D'ailleurs, je vais te le dire à toi, les sentiments les plus profonds sont ceux qui ont mis du temps à naître et non ceux qui ont surgi au premier regard. Donc réfléchis bien à tout ça. MacGregor est la perle des garçons. C'est ta chance de l'avoir rencontré. Pense-y bien, ma fille. Je pars à mon éternel boulot à présent. On se revoit ce soir. J'ai longuement réfléchi et médité les paroles de papa. Et avant-hier, quand Ryan m'a offert une magnifique bague de fiançailles, j'ai accepté. La date de notre mariage n'est pas encore fixée. À bientôt, je souhaite la paix chez toi. Mathilda Karen, à l'autre bout du monde. Le 11 mars 1999, elle écrivit. « Salut Rosa, je t'écris pour t'annoncer que je me marie le 28 du mois prochain. Ryan et moi avons choisi d'un commun accord la date. Et tu sais quoi? Comme promis, je vais t'envoyer une somme suffisante pour tes papiers de voyage pour que tu viennes ici, en Nouvelle-Zélande, assister à ce mariage qui va me combler de joie. Et tout ça, c'est Ryan qui te l'offre. Ce voyage va me permettre de te rencontrer enfin en chair et en os. Tu viendras, j'espère. » Une bonne nouvelle encore, ma sœur a eu un garçon, il a à peine quelques semaines, il s'appelle Mike Philip Mozoni. Il est si mignon que j'ai du mal à le quitter les fois où je vais leur rendre visite à Christchurch. Je m'y rends quand je peux depuis la naissance de mon neveu. Et puis avec la petite voiture que m'a offerte Ryan au mois de janvier en guise de cadeau de nouvel an, je fais l'aller-retour très vite et sans problème. Je veux terminer en te félicitant d'avoir tenu tête, en te refusant ce mariage d'intérêt qu'on voulait t'imposer. Tu m'avais parlé d'un concours dans ton dernier courrier, qu'en est-il? Ça a marché ou pas? Je veux que tu le réussisses. Quant à moi, j'ai réussi à me faire engager chez le notaire de notre ville. Mais je suis encore chez mes parents. Après le mariage, je vais aménager chez Ryan, à l'autre bout de la ville, où il est médecin, dans une clinique, dans les environs de chez lui. Ma mère est toute triste à l'idée de me voir partir à mon tour de la maison. Mais elle doit comprendre que c'est ainsi la vie. À très bientôt. Et je te souhaite la paix chez toi. Le 30 juin 1999, la Néo-Zélandaise écrivit. Coucou à toi. Je t'écris pour te remercier d'être venu de si loin assister à mon mariage. Tu sais, avec un mois de lune de miel en Nouvelle-Calédonie, je n'ai pas eu le temps de t'écrire avant. Nous sommes rentrés seulement cette semaine chez nous. Je tiens à te dire que mon mari, mes parents, ma sœur et son mari me chargent de te dire bien des choses. Ils ont été ravis de faire enfin ta connaissance depuis le temps où je leur parlais de toi. À propos, Nick O'Connor, notre voisin, me semble-t-il, a eu un foudroyant coup de foudre pour toi. Il m'a demandé ton adresse. Il a promis de t'écrire une lettre, très enflammée que j'imagine. C'est un homme sympa, qui a en plus la tête bien sur les épaules. Rassure-toi, je ne cherche pas à t'influencer, puisqu'avant tout, la décision finale t'appartient. Bref, Ryan et moi comptions comme promis nous rendre au Nigeria pour les vacances d'été. Mais cela va plus être possible, ce sera pour une autre fois, parce que je suis enceinte. Oh, c'est à peine quelques semaines. Mon mari est fou de joie. Tout va pour le mieux pour moi. En fait, je dirais que tout va pour le mieux depuis que j'ai rencontré Ryan. C'est quelqu'un de bien. J'ai appris à le connaître et à l'aimer au fil des mois. Moi qui croyais ne plus être en mesure de ressentir ça, je me rends aujourd'hui compte que je me suis trompée. Aujourd'hui, quand je repense aux paroles que j'ai eues à prononcer à cause de mon soi-disant amour pour Harry, je me trouve ridicule et très imbécile. Par exemple, l'an dernier, j'ai bien cru mourir de chagrin le jour du mariage de ma sœur. Je te jure qu'il n'existe rien de plus douloureux que ça sur cette terre des hommes. J'ai eu si mal qu'au cours de cette période, j'ai été incapable de faire quoi que ce soit. Un moment, au cours de la cérémonie, j'ai cru que mon pauvre cœur allait me lâcher. Ce jour-là, après la cérémonie, ma mère m'a retrouvée dans les toilettes en train de pleurer. Elle m'a supplié avec désespoir, les larmes dans la voix, de me secouer un peu pour oublier cet homme qui était désormais uni à ma sœur devant Dieu. J'ai rétorqué avec fureur. « Mais bon sang, maman, comment veux-tu que je parvienne à oublier l'homme que notre Seigneur lui-même a taillé à la mesure de tous mes goûts ?» Non, maman, ne me demande plus jamais ça, parce que c'est au-dessus de mes forces, beaucoup trop, je te le jure. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps durant des jours. J'avais perdu et l'appétit et le sommeil. Je crois, ma chérie, que mon désespoir a touché notre Seigneur, raison pour laquelle il a mis sur ma route un homme fantastique, Justin Ryan MacGregor. Aujourd'hui, je l'aime plus que ma propre vie. À côté de l'amour que j'ai pour lui, la totalité des sentiments que j'ai cru ressentir pour ce Harry Mozoni me paraît infantile. Je n'étais en réalité qu'amoureuse de l'amour. Ryan, mon mari, est un homme bon. et j'ai compris que c'est lui qui a été façonné à la mesure de tous mes goûts, et non ce crétin de Harry, qui, je te l'apprends, commence à faire des infidélités à ma sœur avec Ursula, la nouvelle secrétaire de mon père. Ma sœur n'est pas encore au courant, mais je sais que cela ne va pas tarder, tant les nouvelles de ce genre vont vite par ici, et partout dans le monde d'ailleurs. J'espère pour ma pauvre sœur que cette folie lui passera. En tout cas, moi, je suis une femme heureuse. Heureux même n'est pas assez juste pour traduire mon état d'âme. Madame Matilda Karen Cook MacGregor, qui t'adore comme personne d'autre.